Les traîtres. Quand le traître Judas vit que Jésus s'était détourné, il perdit l'espoir de devenir un puissant du monde. Comme il avait la bourse de Jésus où se gardaient tous les dons par amour pour Dieu, il avait espéré que Jésus devienne roi d'Israël et lui-même un puissant homme. Cet espoir perdu, il se dit en lui-même. Si cet homme était sage, il ne se serait pas détourné de l'honneur que les hommes veulent lui donner. Et s'il était prophète, il saurait que je vole son argent et perdrai patience en me chassant de son service puisque je ne crois pas en lui. Vaudrait mieux faire un arrangement avec le chef Kohanim, les scribes et pharisiens, et voir comment le livre est dans leurs mains pour que j'obtienne quelque chose. Cette résolution prise, il raconta aux scribes et pharisiens ce qui s'était passé à Nain, et ils prirent conseil auprès du grand Cohen. Que ferons-nous si cet homme devient roi? Il est certain que nous passerons mal puisqu'il a l'intention de réformer le culte de Dieu suivant les anciennes coutumes, car il ne peut faire avec nos rituels. Comment passerons-nous sous la royauté d'un tel homme? Nous périrons tous sûrement avec nos enfants. Chassés de notre fonction, nous devrons mendier notre pain. Dieu soit loué, nous avons un roi et un gouverneur étranger à notre loi, qui ne s'occupe pas de nos lois comme nous ne nous occupons pas des leurs. Nous serons capables de faire tout ce que nous voulons. Et si nous péchons, notre Dieu est si miséricordieux qu'il s'apaise par le sacrifice et le jeûne. Mais si cet homme devenait roi, il ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il voie le culte de Dieu rétabli suivant l'écrit de Moshe. Après avoir écouté la proposition, le grand Cohen répondit qu'il fallait traiter avec Hérode et le gouverneur, car nous serons incapables d'agir sans les soldats vu que le peuple est très porté sur lui. Plaise à Dieu de réaliser cette affaire avec les soldats. Ce conseil pris entre eux, ils s'entendirent pour saisir Jésus de nuit, dès qu'Hérode et le gouverneur accepteraient. Les disciples se rendirent tous à Damas par la volonté de Dieu, et ce jour-là, plus qu'un autre, le traître Judas montra avoir souffert de l'absence de Jésus. Et Jésus nous dit qu'on se méfie de celui qui force à donner des marques d'affection sans raison, comme si Dieu avait pris notre raison pour ne pas savoir dans quel but il agit ainsi. Au retour de tous les disciples, Jésus dit « Retournons en Galilée comme l'ange de Dieu m'a dit, car je dois aller là. » Quand Jésus arriva à Nazareth en matinée du Shabbat, tous les citoyens voulurent le voir dès qu'ils l'aperçurent. Un publicain de petite taille nommé Zachée, étant incapable de voir Jésus à cause de la grande foule, monta en haut d'un sycomore en attendant qu'il passe à cet endroit en revenant de la synagogue. Étant arrivé à cet endroit, Jésus leva ses yeux et dit « Descends Zachée. Je resterai dans ta maison aujourd'hui. » L'homme descendit joyeusement et le reçut en faisant un magnifique banquet. Les pharisiens murmurèrent et dirent aux disciples de Jésus « Pourquoi votre maître va-t-il manger avec les publicains et les pécheurs ? Dites-moi pour quelle raison le médecin se déplace dans une maison et je vous dirai pourquoi je suis venu ici. » « Pour guérir les malades, » dirent-ils. « Vous dites la vérité. Seuls les malades ont besoin de médecine, mais pas les entiers. » Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, Dieu envoie ses servants les prophètes dans le monde pour que les pécheurs se repentent. Il ne les envoie pas pour la cause des justes qui n'ont pas besoin de repentance. Celui qui est propre n'a pas besoin d'un bain. Je vous dis en vérité, si vous étiez de vrais pharisiens, vous seriez heureux que je sois venu pour sauver les pécheurs. Dites-moi, connaissez-vous votre origine, comment le monde a commencé à avoir des pharisiens? Je vais vous le dire vu que vous ne savez sûrement pas. Écoutez mes paroles. Enoch, un ami de Dieu, marchant avec Dieu avec vérité, sans tenir compte du monde, fut porté au paradis et il reste là jusqu'au jugement. Quand la fin du monde approchera, il reviendra dans le monde avec Élijah et un autre. Les hommes qui eurent connaissance de cela se mirent à chercher leur Créateur Dieu par désir du paradis. Pharisien signifie chercher Dieu, dans la langue de Canaan. Ce nom a commencé pour se moquer des hommes bons, tandis que les Cananéens vénéraient des fétiches faits de main d'homme. Les Cananéens se moquaient de ceux de notre peuple, qui se séparaient du monde, pour se mettre au service de Dieu, et disaient, pharisiens, quand ils en voyaient un, c'est-à-dire ils cherchent Dieu, comme pour dire, viens servir nos divinités, insensé qui n'a aucune des statues d'idole et qui adore le vent. Je vous dis en vérité, tous les saints et les prophètes de Dieu ont été des pharisiens, non seulement comme vous, mais ils cherchaient vraiment leur Créateur Dieu dans tous leurs agissements, après avoir quitté la ville et abandonné leurs biens personnels par amour pour Dieu, les vendant et les donnant aux pauvres par amour pour Dieu. Comme Dieu vit, au temps d'Élia, l'ami et le prophète de Dieu, il y avait 12 montagnes habitées par 17 000 pharisiens. Bien qu'ils étaient en grand nombre, il ne s'y trouvait pas un seul réprouvé, mais tous étaient élus de Dieu. Israël a maintenant plus de 100 000 pharisiens, mais plaise à Dieu qu'il y ait un élu sur 1 000. Serions-nous tous réprouvés que tu désapprouves notre croyance? Dirent les pharisiens indignés. Je suis en accord, non en désaccord, avec la croyance des vrais pharisiens et je suis prêt à mourir pour cela. Venez et voyons si vous êtes pharisiens. Sur la requête d'Élisa son disciple, Élia l'ami de Dieu a écrit un petit livre où est mise toute la sagesse humaine avec la loi du Seigneur notre Dieu. Les pharisiens furent embarrassés d'entendre le livre d'Élia être désigné, sachant que de par leur rituel plus un seul n'observait cet enseignement. Ils allèrent partir sous prétexte d'une affaire mais Jésus leur dit. Si vous étiez pharisien, vous laisseriez toute autre affaire pour celle-ci, car le pharisien cherche Dieu seul. Confus, ils s'attardèrent pour écouter Jésus. Ainsi commence le petit livre du servant de Dieu. Élia écrit ceci à tous ceux qui désirent marcher avec Dieu leur Créateur. Symbole plus celui qui désire apprendre beaucoup, craint peu Dieu. Que celui qui craint Dieu se contente de seulement savoir ce que Dieu veut. Symbole plus celui qui cherche de belles paroles ne cherche pas Dieu, il ne fait rien pour nous empêcher de pécher. Symbole plus celui qui désire chercher Dieu doit vite fermer les portes et les fenêtres de son logis, car le maître ne supporte pas se trouver lui-même hors de sa maison où il n'est pas aimé. Gardez vos perceptions et gardez votre cœur, car Dieu n'est pas trouvé en dehors de nous dans ce monde où il est détesté. Symbole plus celui qui désire travailler le bien doit s'occuper de lui. Il est inutile de gagner tout le monde et perdre sa seule âme. Symbole plus celui qui désire enseigner les autres doit vivre mieux que les autres. Celui qui en sait moins que nous ne peut rien enseigner. Comment le pécheur convertirait-il sa vie à écouter l'enseignement d'un pire que lui? Symbole plus celui qui cherche Dieu doit fuir la conversation des hommes. Moshe était seul sur le mont Sinaï quand il trouva Dieu et parla avec lui comme un ami parle à un ami. Symbole plus celui qui cherche Dieu doit sortir qu'une seule fois chaque 30 jours où sont les hommes du monde. En un jour peuvent se faire 2 ans de bons travaux pour celui qui cherche Dieu. Symbole puisqu'il ne regarde que ses pieds quand il marche. Symbole puisqu'ils ne disent que le nécessaire quand ils parlent. symbole puisqu'il se lève de table encore affamé quand il mange, pensant chaque jour ne pas atteindre le suivant, dépensant son temps comme on expire son souffle. Symbole puisqu'un seul habit de peau de bête suffise. Symbole puisque la motte de terre dorme sur la terre nue et que 2 heures de sommeil suffit chaque nuit. Symbole puisqu'il ne condamne personne que lui-même et ne déteste personne que lui. Symbole puisqu'il se tient en prière dans la même crainte que s'il était au jugement à venir. Symbole puisse faites cela dès à présent, pour servir Dieu et la loi, que Dieu vous a donnée par Moshe. Vous trouverez Dieu en tout temps, et en tout lieu en faisant cela, vous sentirez Dieu en vous et que vous êtes en Dieu. Ceci est le petit livre d'Élia des pharisiens. Aussi je vous dis que si vous étiez pharisien, vous auriez eu de la joie, que je sois entré ici, parce que Dieu a compassion des pécheurs. Seigneur, dit Zaché, voici, je donne 4 fois de tout ce que j'ai reçu en intérêt par amour pour Dieu. Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. En vérité, de nombreux publicains, pécheurs et courtisanes entreront dans le royaume de Dieu, et ceux qui s'estiment justes iront aux flammes éternelles. Les pharisiens partirent choqués. Jésus dit à ses disciples et à ceux qui s'étaient convertis par repentance. Il y avait un père qui avait 2 fils. Le plus jeune fils lui dit. Père, donne-moi ma part des biens. Après avoir reçu sa part, que son père lui donna, il partit se rendre dans un pays lointain où il consuma toute sa part avec des courtisanes et en vivant avec luxe. Puis une grave famine survint dans ce pays au point que le misérable dut se mettre au service d'un citoyen qui les plaça pour nourrir les porcs de sa propriété. Il les nourrissait et contentait sa faim en mangeant des glands en compagnie des porcs. Revenu à lui-même, il dit « Combien sont-ils à se rassasier dans l'abondance de la maison de mon père, alors que je meurs de faim ici ?» Je me lèverai pour aller vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché au ciel contre toi, traite-moi comme l'un de tes esclaves. » Et le pauvre partit. Lorsque son père le vit venir de loin, il fut saisi de pitié pour lui et alla à sa rencontre. Arrivé près de lui, il le serra et l'embrassa. Le fils se prosterna alors en disant « Père, j'ai péché au ciel contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes esclaves. » Fils, ne parle pas ainsi, répondit le père. Tu es mon fils. Je ne te laisserai pas dans la condition d'esclave. Il appela ses serviteurs et dit. Apportez ici de nouvelles robes pour vêtir mon fils, et donnez-lui de nouvelles choses. Donnez l'anneau pour son doigt et tuez de suite le veau gras pour que nous fêtions. Mon fils qui était mort est revenu à la vie, il était perdu et est à présent retrouvé. Alors qu'il célébrait dans la maison, le fils aîné rentra et s'émerveilla d'entendre fêter. Il appela un des serviteurs et demanda pourquoi il fêtait autant, et le serviteur répondit. Ton père a tué le veau gras pour célébrer le retour de ton frère. Le fils aîné fut très en colère et ne voulut pas entrer dans la maison. Le père sortit et dit. Fils, ton frère est de retour, viens te réjouir avec lui. Je t'ai toujours bien servi, dit le fils indigné, et jamais tu ne m'as donné d'agneau pour manger avec mes amis. Mais pour ce vaurien qui s'est éloigné de toi pour aller gaspiller sa part avec des courtisanes, tu as tué le veau gras dès son retour. Fils, répondit le père, tu es toujours avec moi et toutes choses sont tiennes. Mais celui qui était mort est revenu à la vie, celui qui était perdu est à présent retrouvé, nous devons nous réjouir. Vas-y, réjouis-toi, dit l'aîné en colère, moi je ne mangerai pas à la table des fornicateurs. Et il s'éloigna de son père, sans même recevoir une pièce d'argent. Comme Dieu vit, il y a ainsi de la joie, parmi les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. Après qu'ils eurent mangé, Jésus partit car il voulait aller en Juda. Les disciples dirent : Maître, ne va pas en Juda, nous savons que les pharisiens ont pris conseil avec le grand Cohen contre toi. Je l'ai su avant qu'ils le fassent mais je suis sans crainte parce qu'ils ne peuvent rien faire contraire à la volonté de Dieu. Qu'ils fassent ce qu'ils souhaitent, je ne les crains pas, mais je crains Dieu seul. Dites-moi, les pharisiens d'aujourd'hui sont-ils des pharisiens qui servent Dieu? Sûrement pas. Je vous dis en vérité, il n'y a rien de pire ici sur terre qu'un homme qui se cache sous l'habit d'une confession religieuse pour cacher sa méchanceté. Je vais vous dire un seul exemple des pharisiens de l'ancien temps pour que vous compreniez ceux d'aujourd'hui. À cause de la grande persécution des idolâtres au temps même d'Élia, plus de 10 000 prophètes et véritables pharisiens furent tués en un an. Quand cette sainte congrégation de pharisiens se dispersa après le départ d'Élia, deux pharisiens partirent habiter dans les montagnes, et l'un d'eux resta 15 ans, sans connaître son voisin, qui n'était qu'à 1 heure de marche. Voyez s'ils étaient inquisiteurs. Lorsqu'il survint une sécheresse sur ces montagnes, tous deux se mirent à chercher de l'eau et se trouvèrent l'un l'autre. L'ancien parla en premier, car c'était leur coutume que le plus âgé parle avant tout autre et il tenait en grand péché qu'un plus jeune parle avant un ancien. Le plus âgé dit : « Où habites-tu, frère ? » « J'habite ici, » répondit-il en pointant le logis du doigt. Ils étaient à proximité du logis du plus jeune. « Depuis combien de temps habites-tu ici, frère ? » dit l'ancien. « 15 ans, » répondit le plus jeune. « Tu es peut-être venu quand Achab, tu es les servants de Dieu ? » dit l'ancien. « Ainsi même, » répondit le plus jeune. « Sais-tu qui est roi d'Israël à présent, frère ? » dit l'ancien. C'est Dieu qui est roi d'Israël, car les idolâtres ne sont pas rois, mais des persécuteurs d'Israël. C'est vrai, dit l'ancien. Je voulais dire, qui persécute Israël à présent? Les péchés d'Israël persécutent Israël, car s'ils n'avaient pas péché, les princes idolâtres n'auraient pas été soulevés contre Israël. Qui est ce prince infidèle que Dieu a envoyé pour le châtiment d'Israël ? Dit l'ancien. Comment le saurais-je ? Je n'ai vu aucun homme que toi depuis 15 ans, et aucune lettre ne me sera envoyée puisque je ne sais pas lire, répondit le plus jeune. Comme tes peaux de brebis sont neuves, qui te les a données si tu n'as pas vu personne ? Dit l'ancien. Celui qui a conservé les vêtements du peuple d'Israël, pendant 40 ans dans le désert, a conservé mes peaux comme tu les vois, répondit le plus jeune. L'ancien perçut que le plus jeune était plus parfait que lui qui chaque année avait contact avec les hommes. Il dit afin d'avoir un possible voisinage. Frère, j'ai les psaumes de David dans ma maison, je sais lire et tu ne le sais pas. Viens alors que je te donne chaque jour une lecture et t'explique ce que dit David. Allons-y maintenant, dit le plus jeune. Frère, il y a maintenant 2 jours que je n'ai pas bu d'eau. Cherchons un peu d'eau. Frère, il y a maintenant 2 mois que je n'ai pas bu d'eau. Le Seigneur est en mesure de nous donner de l'eau. Allons voir ce que Dieu dit par son prophète David. Ils se tournèrent vers le logis de l'ancien et trouvèrent une source d'eau fraîche à la porte. Frère, tu es un saint de Dieu. Dieu a donné cette source pour ta cause, dit l'ancien. Frère, tu dis ça par humilité, répondit le plus jeune. Il est certain que si Dieu avait fait ça pour ma cause, il aurait fait une source près de mon logis afin que je ne sorte pas en chercher. Je t'avoue d'avoir péché contre toi quand tu as dit chercher de l'eau, parce que tu n'avais pas bu depuis 2 jours et que j'ai été 2 mois sans boire. J'ai senti une exaltation en moi comme si j'étais meilleur que toi. Frère, tu as dit la vérité, tu n'as pas péché, dit l'ancien. Frère, tu as oublié ce qu'Élie a dit, que celui qui cherche Dieu doit seul se condamner. Il n'a pas écrit cela pour nous pour le savoir, mais sûrement pour l'observer. C'est vrai, et notre Dieu t'a pardonné, dit l'ancien en percevant la vraie droiture de son compagnon. Ayant dit cela, il prit les psaumes et lut que David dit. Je placerai une garde à ma bouche, pour que ma langue refuse les paroles trompeuses, excusant les péchés avec excuse. L'ancien fit un discours sur la langue, puis le plus jeune partit. Ils furent encore 15 ans avant de se retrouver l'un l'autre, car le plus jeune avait changé de logis. Quand l'ancien le retrouva, il dit : Frère, pourquoi n'es-tu pas revenu dans mon logis ? Parce que je n'ai pas encore bien appris ce que tu m'as dit, répondit le plus jeune. Comment est-ce possible après 15 ans? Dit l'ancien. J'ai appris les mots en 1 heure et ne les ai pas oubliés, mais je ne les ai pas encore observés. Pour quelle raison trop apprendre sans observer? Dit le plus jeune. Notre Dieu ne cherche pas à rendre notre intellect bon mais plutôt notre cœur, et au jour du jugement il demandera ce que nous avons fait, non ce que nous avons appris. Ne parle pas ainsi, frère, tu méprises le savoir que notre Dieu veut en estime. Comment parlerai-je à présent, pour ne pas tomber dans le péché, dit le plus jeune. Car ta parole est vraie ainsi que la mienne. Je dis alors que ceux qui connaissent les ordres de Dieu écrits dans la loi doivent les observer d'abord s'ils veulent en savoir plus. Tout ce qu'un homme apprend, que ce soit pour l'observer non pour savoir. Dis-moi frère, avec qui as-tu parlé pour savoir que tu n'as pas appris ce que j'ai dit ? Dit l'ancien. Frère, je parle avec moi. Je me place chaque jour devant le jugement de Dieu pour rendre compte de moi, et toujours je me sens m'excuser mes fautes, répondit le plus jeune. Frère, quelle faute as-tu, toi qui es parfait ? Dit l'ancien. Frère, ne dis pas ça, dit le plus jeune, car je me tiens entre 2 grandes fautes. L'une est que je ne reconnais pas en moi être le plus grand des pécheurs, l'autre parce que je ne désire pas faire pénitence de cela plus que les autres hommes. Comment sais-tu que tu es le plus grand des pécheurs, si tu es le plus parfait ? Dit l'ancien. La première parole que mon maître m'a dit quand j'ai pris l'habit de pharisien est que je dois considérer ma méchanceté et la bonté des autres. En faisant ainsi je percevrai en moi le plus grand des pécheurs, dit le plus jeune. Frère, de qui considères-tu la bonté du défaut sur ces montagnes où les hommes ne vivent pas? Dit l'ancien. Je dois considérer l'obéissance du soleil et des planètes, qui servent notre Créateur mieux que moi. Mais je les condamne parce qu'ils ne donnent pas la lumière que je désire, ou parce que leur chaleur est trop forte, ou trop de pluie, ou trop peu au sol. Frère, où as-tu appris cet enseignement que j'entends à 90 ans maintenant depuis que je suis devenu pharisien il y a 75 ans, dit l'ancien. Frère, tu dis cela en toute humilité, car tu es un saint de Dieu. Je te réponds que notre Créateur Dieu regarde au cœur et non au temps. David était le plus jeune de ses six autres frères, et avait 15 ans quand il fut choisi roi d'Israël, et devint prophète de notre Seigneur Dieu, dit le plus jeune. Ces hommes étaient de vrais pharisiens, dit Jésus aux disciples. Plaise à Dieu de les avoir pour amis au jour du jugement. Lorsque Jésus embarqua sur un bateau, les disciples se désolèrent d'avoir oublié d'emporter du pain. Jésus les réprimanda. Attention au levain des pharisiens d'aujourd'hui, un peu de levain suffirait pour perdre une masse de pain. Quel levain avons-nous si nous n'avons pas de pain? Se dirent les disciples les uns les autres. Hommes de peu de foi, avez-vous oublié ce que Dieu fit à Nain où il n'y avait aucune trace de grain? Combien mangèrent et furent rassasiés avec 5 pains et 2 poissons? Le manque de confiance en Dieu, et ne penser qu'à soi, est le levain des pharisiens. C'est ce qui a corrompu les pharisiens d'aujourd'hui. Cela a aussi corrompu Israël. Car les gens simples qui ne savent pas lire font ce qu'ils voient des pharisiens parce qu'ils les tiennent pour saints. Savez-vous qui est le vrai pharisien? Il est l'huile de la nature humaine. Comme l'huile reste au-dessus de tout liquide, la bonté du vrai pharisien reste aussi au-dessus de toute bonté humaine. Il est un livre vivant que Dieu donne au monde. Tout ce qu'il fait dit est en accord avec la loi de Dieu. Celui qui fait ce qu'il fait observe la loi de Dieu. Il est le seul qui ne laisse pas la chair humaine pourrir de péché, et celui qui le voit est porté à se repentir. Il est une lumière qui éclaire le chemin aux pèlerins. Celui qui considère sa pauvreté et sa pénitence s'aperçoit que nous ne devons pas fermer notre cœur dans ce monde. Le faux pharisien est celui qui rend l'huile moisie, le livre entaché, le sel pourri, la lumière éteinte. Prenez garde de ne faire comme les pharisiens d'aujourd'hui si vous ne voulez pas dépérir. Jésus vint à Jérusalem et entra dans le temple à Shabbat. Des soldats vinrent vers lui pour l'éprouver et le prendre. Maître, dirent-ils, est-il permis de se battre? Notre foi nous dit que notre vie est un combat continuel sur terre. As-tu l'intention de nous convertir à ta foi et que nous abandonnions les dieux en multitude pour suivre ton seul Dieu que personne ne peut voir, ni savoir où il est, si peut-être il est vain? Rien qu'à Rome, dirent les soldats, il y a 28 000 dieux que nous pouvons voir. Si je vous avais créé comme notre Dieu vous a créé, je chercherais à vous convertir. Comment ton Dieu nous aurait-il créé si nous ne savons pas où il se trouve? Montre-nous ton Dieu et nous deviendrons judéens, dirent-ils. Je peux vous le montrer si vous aviez des yeux pour le voir. Je ne peux vous le montrer car vous êtes aveugles. L'honneur que te rend ce peuple a dû t'enlever la raison, dirent les soldats. Chacun de nous a 2 yeux à sa tête et tu dis que nous sommes aveugles. Les yeux de chair ne peuvent voir que les grossièretés extérieures, aussi vous êtes incapables de voir autre chose que vos dieux de bois, d'argent et d'or qui ne savent rien faire. Nous, qui sommes de Judas, avons les yeux de l'Esprit, qui croit et craint notre Dieu, aussi nous sommes capables de voir notre Dieu en tout lieu. Attention comment tu parles. Si tu as du dédain pour nos dieux, nous te donnerons dans la main d'Hérode qui fera vengeance pour nos dieux puissants, dirent les soldats. S'ils sont puissants comme vous dites, pardonnez-moi car je les vénérerai. Les soldats se réjouirent d'entendre cela et se mirent à se vanter de leurs idoles. Jésus dit : pas besoin de parler ici mais d'agir. Faites que vos dieux créent une mouche et je les vénérerai. Les soldats furent déçus d'entendre cela et ne savaient pas quoi dire. Jésus dit : puisqu'il ne crée pas une seule mouche, je n'abandonnerai pas Dieu qui a tout créé d'un seul mot, dont le nom seul effraie les armées. Voyons cela quand nous allons t'emmener. Ils voulurent mettre leurs mains sur lui, et Jésus dit : Seigneur des armées. Tout d'un coup, les soldats furent poussés hors du temple, roulés comme des tonneaux de bois qu'on lave avant de remplir de vin. Leurs têtes et leurs pieds cognèrent le sol sans que personne ne les touche. Ils furent si terrifiés qu'ils s'enfuirent de Juda et ne furent plus revus. Cohanim et pharisiens murmurèrent entre eux : Il a la sagesse de Baal et Ashtaro. C'est dans le pouvoir de Satan qu'il a fait cela. Jésus ouvrit sa bouche et dit : Notre Dieu nous dit de ne pas voler les biens de notre prochain. Ce seul commandement fut en frein avec tant d'abus que le monde s'est rempli de péchés qui ne seront jamais remis comme les autres sont remis. Pour tout autre péché qu'un homme condamne en ne faisant plus, avec des prières, des jeûnes et des aumônes, notre Dieu puissant et miséricordieux pardonne, tandis que ce péché ne sera jamais remis sans restituer ce qui fut pris à tort. Maître, dit un scribe, comment voler a-t-il rempli le monde entier de péchés? Par la grâce de Dieu, il y a sûrement à présent peu de voleurs qui peuvent se montrer car ils sont aussitôt pendus par les soldats. On ne connaît pas les voleurs si on ne connaît pas les biens. En vérité, je vous dis, beaucoup volent sans savoir qu'ils le font, leur péché est donc plus grand que les autres, et une maladie qui n'est pas connue ne guérit pas. Apprends-nous, maître, puisque tu es l'unique en Israël à savoir la vérité, dirent les pharisiens. Je n'ai pas dit être l'unique en Israël à savoir la vérité. Ce mot « unique » n'appartient qu'à Dieu et personne d'autre, car il est la vérité. L'unique à savoir la vérité. Si je le disais, je serais le plus grand voleur et je volerais l'honneur de Dieu. Si je disais être l'unique à savoir la vérité de Dieu, je tomberai dans la plus grande ignorance que tous. Vous avez commis un grave péché en disant : Tu es l'unique à savoir la vérité. Et si vous l'avez dit pour m'éprouver, je vous dis que votre péché est encore plus grand. Tous gardèrent silence. Jésus dit : Bien que je ne sois pas seul en Israël à savoir la vérité, moi seul parlerai. Écoutez ce que vous avez demandé. Tout ce qui est créé vient du Créateur. Rien ni personne ne peut réclamer quoi que ce soit. L'honneur, l'âme, le corps, les avoirs et le temps sont tous propriétés de Dieu. Si un homme ne les reçoit pas ainsi comme veut Dieu, il devient voleur. Et s'il s'en sert contrairement à ce que veut Dieu, il est aussi voleur. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, je vous dis que quand vous prenez votre temps en disant : Demain je ferai ceci ou dirai telle chose, ou j'irai à tel endroit. Sans dire : Si c'est ce que Dieu veut. Vous êtes des voleurs. Et de plus grands voleurs, quand vous dépensez la meilleure partie de votre temps à vous faire plaisir, non à faire plaisir à Dieu, et dépensant la pire partie à servir Dieu. Alors vous êtes vraiment des voleurs. Quiconque fait un péché, sous toute forme est un voleur, qui vole le temps et l'âme de sa propre vie, qui se doit de servir Dieu et les donne à Satan, l'ennemi de Dieu. Pour l'homme qui a une vie, des biens et l'honneur, si ses biens sont volés, le voleur sera pendu. Si sa vie est volée, le meurtrier sera décapité comme l'ordonne la justice de Dieu. Si l'honneur est volé, le voleur ne serait-il pas crucifié? Ou alors, les biens ont-ils plus de valeur que l'honneur? En vérité, Dieu a ordonné que celui qui vole les biens soit puni, et que celui qui prend la vie soit puni, mais celui qui prend l'honneur, n'aurait-il rien? Sûrement pas. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, celui qui vole l'honneur mérite un plus grand châtiment que celui qui vole la vie ou les biens. C'est à cause de leur murmure que les pères n'entrèrent pas dans la terre promise mais leurs fils, et c'est aussi pour ce péché que les serpents tuèrent environ 70 000 de notre peuple. Qui écoute celui qui murmure est aussi coupable, car l'un reçoit Satan par sa langue, l'autre par ses oreilles. Les pharisiens furent irrités de l'entendre, sans pouvoir évoquer ses paroles. Un docteur vint près de Jésus et dit : « Dis-moi, bon maître, pourquoi Dieu n'a-t-il pas accordé du fruit de grain à nos pères ?» Sachant qu'ils tomberaient inévitablement, il aurait pu leur accorder du grain ou ne pas leur permettre de le voir. « Homme, tu m'as appelé bon, mais tu as mal agi. Car seul Dieu est bon. Tu agis plus mal en demandant pourquoi Dieu n'a pas agi d'après ton cerveau. Mais je te répondrai surtout. Je te dis que dans ses travaux notre Créateur Dieu ne se conforme pas à nous, car la créature dépend du Créateur, non le Créateur de la créature. Il n'est pas permis à la créature de chercher son mode et sa convenance, mais bien l'honneur de son Créateur Dieu. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, si Dieu avait tout accordé à l'homme, l'homme n'aurait pas su être un servant de Dieu, il se serait lui-même considéré maître du paradis. Par conséquent, le Créateur, béni à toujours, lui a interdit la nourriture, pour que l'homme lui reste assujetti. Je dis que si l'homme n'avait pas péché, ni toi ni moi n'aurions connu la miséricorde de Dieu et sa justice. Et si Dieu avait fait l'homme incapable de pécher, il aurait été égal à Dieu par cette circonstance. Dieu béni a créé l'homme libre, pour agir au salut ou à la damnation, qui lui convient à l'égard de sa propre vie. En vérité je te dis, qui a la lumière à ses yeux, voit tout clairement et tire la lumière même des ténèbres. Mais l'aveugle ne peut faire ainsi. Le docteur fut abasourdi d'entendre cela et partit dans l'embarras. Le grand Cohen appela secrètement deux anciens Cohanim et les envoya vers Jésus après sa sortie du temple. Jésus s'était assis dans le porche de Shlomo, attendant la prière de la mi-journée. Et près de lui ses disciples, avec une multitude de gens. Les Kohanim vinrent vers lui et dirent : « Maître, quand Adam mangea du fruit de grain, Dieu voulait-il qu'il en mange ou non ?» Ils dirent cela pour l'éprouver car s'il disait, Dieu le voulait. Il dirait : « Pourquoi l'avoir interdit ?» Et s'il disait, Dieu ne le voulait pas. Il dirait, l'homme a plus de pouvoir que Dieu s'il agit contre sa volonté. Jésus répondit, votre question est comme une route montagneuse qui a un précipice à main droite et à gauche. Je marcherai au centre. Entendant cela, les Kohanim comprirent qu'ils connaissaient leur cœur et furent embarrassés. Chaque homme travaille chaque chose pour l'utilité dont il a besoin. Dieu n'a besoin de rien. Il travaille pour le plaisir de sa bonté. Quand il créa l'homme, il le créa libre pour qu'il sache que Dieu n'a pas besoin de lui. Comme un roi qui donne la liberté à ses esclaves pour montrer ses largesses et que ses esclaves l'aiment plus. Ainsi Dieu créa l'homme libre pour qu'il aime plus son Créateur et reconnaisse sa bonté. Même si Dieu est tout-puissant et n'a pas besoin de l'homme, créé par sa toute-puissance, il lui donne la liberté par bonté, pour qu'il puisse faire le bien et résister au mal. Même si Dieu a le pouvoir d'empêcher le péché, il n'a pas voulu rétracter sa bonté. Dieu ne rétracte pas sa toute-puissance et sa bonté formée en l'homme. Aussi je dis qu'il ne devait pas rétracter en l'homme le péché, pour que l'homme puisse appliquer la justice de Dieu et recevoir sa miséricorde. Et en signe que je dis la vérité, c'est le grand Cohen qui vous a envoyé pour m'éprouver. Ceci est le fruit de son sacerdoce. Les vieux hommes partirent tout rapporter au grand Cohen. Il dit : Cet individu a le démon dans son dos qui lui dit tout car il aspire à la royauté d'Israël. Mais Dieu verra à ça. Après qu'il ait fait la prière de la mi-journée, en sortant du temple, Jésus rencontra un homme aveugle dès le sein de sa mère. Ses disciples demandèrent : Maître, qui a péché en cet homme pour naître aveugle, est-ce son père ou sa mère ? Ni son père ni sa mère n'a péché en lui, mais Dieu l'a créé pour être témoin de l'Évangile. Ayant appelé l'aveugle à lui, il cracha par terre et plaça la boue sur les yeux de l'aveugle. Va te laver à la piscine de Siloé, lui dit-il. L'aveugle né alla se laver et reçut la lumière. Comme il retournait chez lui, plusieurs le croisèrent en disant : Si cet homme était aveugle, j'aurais dit que c'est celui qui a l'habitude de s'asseoir à la belle porte du temple. C'est lui. Mais comment a-t-il reçu la lumière ? Dirent d'autres. Ils l'abordèrent et lui demandèrent : Es-tu l'aveugle qui a l'habitude de t'asseoir à la belle porte du temple ? Je le suis, et pourquoi ? Dit-il. Mais comment as-tu retrouvé la vue ? Un homme a fait de la boue en crachant par terre, a mis cette boue sur mes yeux et il m'a dit : Va te laver dans la piscine de Siloé. Je suis allé me laver et je vois. Béni est le Dieu d'Israël. Tout Jérusalem était rempli par cette affaire, quand l'homme né aveugle revint à la belle porte du temple. Il fut emmené au chef Kohanim, qui parlait contre Jésus, avec les Kohanim et les pharisiens. Le grand Kohen demanda : Homme, es-tu né aveugle ? Oui, répondit-il. Rends gloire à Dieu, dit le grand Kohen. Dis-nous quel prophète t'est apparu en rêve pour te rendre la lumière. Est-ce notre père Abraham ou Moshe le servant de Dieu ? Ou un peut-être autre prophète ? Mais les autres ne peuvent faire une telle chose. Je n'ai vu ni Abraham ni Moshe, ni aucun prophète me guérir en rêve, dit l'homme né aveugle. J'étais assis à la porte du temple quand un homme m'a fait venir près de lui. Il a fait de la boue avec sa salive, en a mis un peu sur mes yeux, et m'a envoyé me laver à la piscine de Siloé. Je suis allé me laver et la lumière de mes yeux est revenue. Quel est le nom de cet homme ? Demanda le grand Cohen. Il ne m'a pas dit son nom, mais un homme qui l'a vu m'appeler a dit : Va te laver comme il t'a dit. C'est Jésus le Naziréen, un saint prophète du Dieu d'Israël, dit l'homme né aveugle. T'a-t-il peut-être guéri aujourd'hui à Shabbat ? Dit le grand Cohen. Il m'a guéri aujourd'hui. Vois comme cet individu est un pécheur car il ne garde pas le Shabbat, dit le grand Cohen. Je ne sais pas si c'est un pécheur, dit l'homme, je sais que j'étais un aveugle et il m'a éclairé. Les pharisiens ne croyaient pas en cela, aussi ils dirent au grand Cohen : Envoyez pour son père et sa mère, ils nous diront la vérité. Ils envoyèrent pour le père et la mère de l'aveugle. Quand ils vinrent, le grand Cohen les questionna : Cet homme est-il votre fils ? C'est vraiment notre fils, répondirent-ils. Il dit qu'il est né aveugle, mais il voit maintenant. Comment est-ce arrivé ? Dit le grand Cohen. Il est vraiment né aveugle, mais nous ne savons pas comment il a reçu la lumière. Il a de l'âge, demandez-lui et il vous dira la vérité, répondirent le père et la mère de l'homme né aveugle. Le père et la mère de l'homme né aveugle dirent qu'il avait de l'âge, mais ils avaient peur de parler à cause du décret émis par le Sénat romain interdisant quiconque de se disputer à propos de Jésus le prophète des Juifs, sous peine de mort. Décret que le gouverneur avait obtenu. Quand ils furent renvoyés, le grand Cohen dit encore à l'homme né aveugle : Rends gloire à Dieu et dis la vérité. Cet homme que tu dis avoir guéri, nous le connaissons, c'est un pécheur. Je ne sais pas si c'est un pécheur, dit l'homme né aveugle, mais je sais que je ne voyais pas et il m'a éclairé. Sûrement depuis la création du monde jusqu'à cette heure, il n'a jamais eu aucun aveugle né qui a été éclairé. Et Dieu n'écoute pas les pécheurs. Qu'a-t-il fait quand il t'a éclairé? Dirent les pharisiens. L'homme né aveugle s'émerveilla de leur incrédulité. Je vous l'ai dit, et encore vous demandez. Voulez-vous devenir ses disciples? Tu es né tout entier dans le péché et tu voudrais nous enseigner, dit le grand Cohen avec mépris. Va devenir le disciple d'un tel homme. Nous sommes les disciples de Moshé, car nous savons que Dieu a parlé à Moshé, mais nous ne savons pas d'où vient cet homme. Ils le chassèrent de la synagogue et du temple en l'interdisant de venir prier parmi les purs d'Israël. L'homme né aveugle partit retrouver Jésus qui le réconforta. En aucun temps tu n'as été aussi béni qu'à présent, béni de notre Dieu qui a parlé par son prophète David contre les amis du monde. Il maudit et je bénis. Il a aussi dit par le prophète Micah. Je maudis votre bénédiction. La terre n'est pas si contraire à l'air, ni l'eau du feu, ni la lumière des ténèbres, ni le froid du chaud, ou l'amour de la haine, comme la volonté de Dieu est contraire à la volonté du monde. Tes paroles sont grandes, Seigneur. Explique-nous, car nous ne comprenons pas, demandèrent les disciples. Quand vous connaîtrez le monde, vous saurez que j'ai dit la vérité, vous saurez la vérité de chaque prophète. Apprenez que le seul mot au monde inclut trois groupes. Au premier, il a appelé les cieux et la terre. Avec l'eau, l'air, le feu, et toute chose inférieure à l'homme. Ce monde suit la volonté de Dieu en toute chose comme dit David le prophète de Dieu. Dieu leur a confié un précepte qu'ils n'enfreignent pas. Au deuxième, il a appelé tous les hommes comme un appel à la maison de l'un, non pour les murs mais pour la famille. Parce que ce monde désire naturellement Dieu, il aime encore Dieu. Tellement que par la nature, chacun désire Dieu même s'il s'égare en cherchant Dieu. Savez-vous pourquoi tous aspirent à Dieu? Chacun aspire à une bonté infinie sans méchanceté, qui est Dieu seul. C'est pourquoi Dieu miséricordieux a envoyé ses prophètes dans ce monde pour son salut. Au troisième monde est la constitution dépravée des hommes au péché converti en loi contre Dieu, créateur du monde, laquelle fait l'homme devenir similaire aux démons ennemis de Dieu. Notre Dieu déteste tant ce monde amer, que si les prophètes avaient aimé ce monde, que croyez-vous? Dieu aurait sûrement retiré de la prophétie. Et que dirais-je? Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, si l'envoyé Saint-Esprit de Dieu concevrait de l'affection pour ce monde malfaisant, Dieu lui retirerait sûrement tout ce qu'il lui a donné quand il le créa, et en ferait un réprouvé, tant Dieu est si contraire à ce monde. Les disciples répondirent. Tes paroles sont profondes, Maître, mais nous ne les comprenons pas. Aie patience envers nous. Pensez-vous peut-être que Dieu a créé son envoyé, le Saint-Esprit, pour être un rival qui a l'intention de se faire égal à Dieu? Sûrement pas. Mais plutôt comme un bon esclave qui ne veut pas ce que son Seigneur ne veut pas. Vous n'êtes pas capable de comprendre car vous ne savez rien de ce qu'est le péché. Écoutez mes paroles. En vérité je vous dis, le péché ne peut monter en l'homme que contre Dieu, car Dieu ne veut pas le péché, la volonté de Dieu est très éloignée du péché. Si les chefs Kohanim, Kohanim et pharisiens me persécutaient car le peuple d'Israël m'appelait un Dieu, ils feraient ce qui plaît à Dieu et Dieu les en récompenserait. Mais ils me persécutent pour une raison contraire, ils ne veulent pas que je dise la vérité, que leurs rituels ont contaminé le livre de Moshe et celui de David, ses prophètes et amis de Dieu. Ils me détestent maintenant et veulent ma mort, ainsi Dieu les a en abomination. Dites-moi quand Moshe tua des hommes et Achab tua des hommes, est-ce tué dans chaque cas? Sûrement pas. Moshe tua des hommes pour détruire l'idolâtrie, pour garder le véritable culte de Dieu. Achab tua des hommes pour garder l'idolâtrie et détruire le véritable culte de Dieu. Pour Moshe, la tuerie des hommes fut convertie en sacrifice, mais en sacrilège pour Achab. Ainsi un seul et même acte produit deux effets contraires. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, Satan ne serait pas rejeté de Dieu s'il avait parlé aux anges pour savoir combien ils aimaient Dieu, c'est un réprouvé parce qu'il souhaitait les détourner de Dieu. Que comprendre? Dit celui qui écrit. De ce que dit le prophète Micha concernant le mensonge que Dieu ordonna de dire par la bouche des faux prophètes. Comme il est écrit au livre des rois d'Israël, Barnabé dit brièvement tout ce qui est arrivé que nous voyons clairement la vérité. Le prophète Daniel qui décrit l'histoire des rois d'Israël et de leurs tyrans, dit Barnabé, a écrit ceci. Le roi d'Israël se réunit avec le roi de Juda pour se battre contre les fils de Bélial, les réprouvés ammonites. Josaphat le roi de Juda et Achab le roi d'Israël, tous deux en Samarie, étaient assis sur un trône et devant eux, 400 faux prophètes disant au roi d'Israël. Va contre les ammonites, Dieu les livrera dans tes mains et tu disperseras mon. Y a-t-il un prophète du Dieu de nos pères? Dit Josaphat. Il y en a qu'un, dit Achab. Je le garde en prison car il est mauvais. Il prophétise toujours du mal de moi. Il témoigne qu'il y en avait qu'un, car tous ceux qu'on avait trouvés furent tués par le décret d'Achab. Comme tu as dit, maître, les prophètes ont fui en haut des montagnes où les hommes n'habitent pas. Envoie ici pour lui convoi ce qu'il dit, lui dit Josaphat. Achab ordonna que Micha soit envoyé ici. Il vint les pieds enchaînés, le visage désorienté comme un homme entre la vie et la mort. Achab lui demanda. Parle Micha, au nom de Dieu. Irons-nous contre les ammonites? Dieu livrera-t-il leur ville dans nos mains? Monte, monte. Car tu monteras prospère et descendras encore plus prospère, répondit Micha. Les faux prophètes acclamèrent Micha comme vrai prophète de Dieu et rompirent les chaînes de ses pieds. Josaphat qui craignait notre Dieu et n'avait pas fléchi ses genoux devant les idoles, demanda à Micha. Par amour pour le Dieu de nos pères, dis la vérité. Comment as-tu vu l'issue de cette guerre? Je crains ta face, Josaphat, dit Micha. Je te dis que j'ai vu le peuple d'Israël comme des moutons sans berger. Achab dit avec le sourire. Je t'ai dit que cet individu ne prédit que du mal, mais tu ne l'as pas cru. Comment sais-tu cela, Micha? Dirent-ils tous les deux. J'ai entendu un conseil d'ange se préparer devant Dieu, répondit Micha. Et j'ai entendu Dieu dire. Qui trompera Achab pour qu'il monte contre Amon et soit tué? L'un dit une chose, l'autre dit une autre, alors un ange vint et dit. Seigneur, je combattrai contre Achab. J'irai vers ces faux prophètes, pour mettre le mensonge dans leur bouche, il montera ainsi et sera tué. Va faire ainsi maintenant car tu prévaudras, dit Dieu. Les faux prophètes devinrent enragés et leur chef frappa Micha à la joue, disant « Quand l'ange de vérité nous a-t-il quittés pour aller vers toi, réprouvé de Dieu ? Quand l'ange qui apportait le mensonge est-il venu vers nous, dis-nous ? Tu le sauras quand tu fuiras de maison en maison de peur d'être tué pour avoir trompé ton roi, dit Micha. Saisissez Micha, dit Achab en colère. Placez à son cou les chaînes qu'il avait aux pieds et gardez le halo et au pain d'orge jusqu'à mon retour. Car pour l'instant je ne sais pas quelle mort je vais lui infliger. Ils montèrent et l'affaire se passa suivant la parole de Micha. Le roi des Ammonites avait dit à ses serviteurs « Voyez ne pas combattre le roi de Juda, ni les princes d'Israël, mais tuez mon ennemi Achab, le roi d'Israël. Arrête ici Barnabé, c'est assez pour notre besoin. Avez-vous tout entendu ?»« Oui Seigneur, » dirent les disciples. « Mentir est définitivement un péché, mais tuer en est un plus grand. » Le péché de mentir appartient à celui qui parle. Le péché de tuer appartient à celui qui le fait, mais il détruit aussi l'humain qui est le plus cher à Dieu ici sur terre. Mentir peut se remédier en disant le contraire de ce qui est dit. Mais tuer ne peut se remédier, vu qu'il n'est pas possible de redonner vie aux morts. Et dites-moi, Moshe le servant de Dieu a-t-il péché en tuant ceux qu'il a tués? Dieu préserve que Moshe pêche en obéissant à l'ordre de Dieu, répondirent les disciples. Je dis que Dieu préserva cet ange de péché en montant au faux prophète d'Achab, et Dieu reçut ce mensonge en tant que louange, comme il reçut la mort des hommes en tant que sacrifice. En vérité je vous dis, qui pense soumettre Dieu à la loi comme les hommes le sont ferreur, comme l'enfant pense ses chaussures de la taille d'un géant. Comprendrez que le péché est seulement ce que Dieu ne veut pas et vous trouverez la vérité. Comme je vous dis, Dieu est non composé ou changeable, il est aussi incapable de vouloir et ne pas vouloir une même chose, sinon il y aurait contradiction en lui ainsi que souffrance, et ne serait pas infiniment béni. Que comprendre de ce que dit le prophète Amos? Il n'y a aucun mal dans la ville que Dieu n'a pas fait. Vois ici Philippe, combien est grand le danger de s'arrêter à la lettre comme le font les pharisiens. Ils ont inventé pour eux la prédestination divine des élus, jusqu'à venir à dire que Dieu est injuste, simulateur et horrible juge qui était sur eux. Je dis qu'ici Amos, le prophète de Dieu, parle du malheur que le monde appelle mal, car s'il avait utilisé le langage des justes il n'aurait pas été compris du monde. Il parle des épreuves qui sont bénéfiques. Pour purger le mal qui s'est fait. Pour empêcher le mal de se faire. Pour faire savoir la condition de cette vie et pouvoir aimer et désirer la vie éternelle. Si Amos le prophète avait dit qu'il n'y avait aucun bien dans la ville que ce que Dieu fait, il aurait donné des espoirs aux affligés de se voir dans l'épreuve, tandis que les pécheurs vivent dans la prospérité. Le pire est qu'ils croiraient que Satan a autant d'autorité sur les hommes qu'il l'aurait bien craint et bien servi pour éviter l'épreuve. Amos fait comme un interprète romain, parle en présence du grand Cohen. Il ne donne pas considération des mots, mais de la volonté de faire, face à celui qui ne parle pas l'hébreu. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, si Amos avait dit qu'il n'y a aucun bien dans la ville que ce que Dieu fait, il aurait commis une grave erreur, vu que le monde a pour bien seulement les injustices et les péchés, qui se font par voie de vanité. Et les hommes feraient plus mal à croire qu'il n'y a pas d'injustice ou de péché que Dieu n'aurait fait. La terre tremble d'entendre cela. Survint un grand tremblement et tout le monde tomba comme mort. Jésus les releva et il dit : Voyez comme je vous dis la vérité. qu'il vous suffise qu'un mot dise comme le monde parle, que Dieu a fait le mal dans cette ville, lorsqu'il parle des épreuves que les pécheurs appellent mal. Venons-en à la prédestination que vous désirez savoir. Plaise à Dieu, demain je vous en parlerai de l'autre côté près du Jourdain. Jésus partit au-delà du Jourdain dans le désert avec ses disciples. Une fois la prière de la mi-journée faite, il s'assit près d'un palmier et ses disciples s'assirent sous l'ombre du palmier. Frères, je vous dis en vérité, la prédestination est secrète et sera clairement connue que d'un seul, celui que les nations recherchent, pour qui les secrets de Dieu sont si clairs que ceux qui écouteront ses paroles à sa venue dans le monde seront bénis. Dieu les ombragera avec sa miséricorde comme ce palmier nous ombrage. Oui, comme cet arbre nous protège de la brûlante chaleur du soleil, ainsi aussi la miséricorde de Dieu protégera de Satan ceux qui croiront en lui. Maître, qui sera celui dont tu parles qui viendra dans le monde? Dirent les disciples. Il est l'envoyé de notre Dieu digne d'éloge. À sa venue dans le monde, tout comme la pluie porte fruit à la terre après un long temps sans pluie, ainsi aussi il sera une occasion de bons travaux parmi les hommes, par l'abondance des miséricordes qu'il amènera. Comme un nuage blanc plein de miséricorde de Dieu, il aspergera les croyants comme la pluie. Je vais vous dire à présent le peu que Dieu m'a donné de savoir de cette prédestination. Les pharisiens disent que tout est tellement si prédestiné qu'un élu ne peut être réprouvé, qu'un réprouvé ne peut être élu. Comme si Dieu aurait prédestiné les bons travaux pour que les élus marchent au salut, et aurait prédestiné les péchés pour que les réprouvés marchent à la damnation. Maudite est la langue qui dit cela et la main qui l'écrit, car c'est la foi en Satan. Qu'on sache par cela que les pharisiens d'à présent sont des fidèles serviteurs de Satan. La prédestination signifie une volonté absolue de donner fin à une chose, pour qui a les moyens en main, car sans les moyens, personne ne peut destiner une fin. Comment la maison peut-elle se finir s'il manque de pierre et d'argent pour les dépenses, et encore moins s'il n'y a pas de terrain où poser le pied? Sûrement personne. Je dis que la prédestination est ainsi aussi. En retirant le libre arbitre de la loi que Dieu donne à l'homme par pure libéralité, ce n'est pas la prédestination, mais l'abomination, que nous constituerons. Le livre de Mosché montre clairement que l'homme est libre, car Dieu dit lorsqu'il donna la loi sur le mont Sinaï. Mon ordre est près de ton cœur dans ta volonté de l'observer. Dites-moi, serait-ce juste que le roi Hérode donne ordre à un vieillard de rajeunir et à un malade de retrouver la santé, et de les faire mourir s'ils ne le font pas? Hérode serait le plus injuste incroyant s'il donnait cet ordre, dirent les disciples. Frère, dit Jésus avec soupir, ce sont les fruits de la tradition humaine, ils blasphèment en disant que Dieu a prédestiné les réprouvés à ne pas devenir des élus. Dieu donne ordre aux pécheurs de ne pas pécher, et s'ils pêchent de se repentir. Cette prédestination enlève le droit aux pécheurs de ne pas pécher et le prive de se repentir. Mais écoutez ce que Dieu dit par le prophète Joël. Comme je vis, je ne veux pas que le pécheur meure, mais je cherche qu'il se convertisse par repentir. Considérez ce que Dieu dit et ce que disent les pharisiens d'aujourd'hui. Dieu dit aussi par le prophète Ésaïe. J'ai appelé mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Combien de fois Dieu a-t-il appelé? Maintenant écoutez combien, parce que dit le même prophète. Tout le jour j'ai tendu mes mains à un peuple qui ne me croit pas, et qui me contredit. Et quand nos pharisiens disent que les réprouvés ne peuvent devenir élus, que disent-ils alors? Que Dieu se rit des hommes, qu'il rit d'un aveugle en lui montrant du blanc, qu'il rit d'un sourd en lui parlant à l'oreille. Quant aux élus qui ne peuvent devenir des réprouvés, considérez ce que notre Dieu dit par le prophète Ézéchiel. Comme je vis, si le juste abandonne sa justice pour faire des abominations, il mourra, et je ne rappellerai plus aucune de ses justices, qui le délaisseront par loyauté devant à moi et ne le sauveront pas. Quant à la vocation des réprouvés, Dieu dit par le prophète Oséa. J'appellerai un peuple non élu, je les appellerai élus. Dieu est véritable et ne peut dire un mensonge. Dieu étant véritable, dit la vérité. Avec leur doctrine, les pharisiens d'aujourd'hui contredisent Dieu en tout. Comment comprendre ce que Dieu dit à Moshe, dit Adrié, qu'il aura miséricorde envers qui il aura miséricorde et il s'endurcira envers qui il s'endurcira? Dieu endurcit Pharaon parce qu'il avait affligé notre peuple pour avoir essayé de les anéantir en tuant tous les enfants mâles d'Israël. Moshe a failli perdre sa vie aussi. Dieu dit cela que les hommes arrêtent de croire qu'il y aurait d'autres que Dieu, et que l'homme ne croit pas être sauvé par sa propre vertu, afin de percevoir que la vie et la miséricorde de Dieu lui sont accordées par sa bonté. En vérité je vous dis, la prédestination est la loi de Dieu et le libre arbitre humain est son fondement. Et même si Dieu peut sauver le monde entier pour que personne ne périsse, il ne le fera pas, à moins de priver l'homme de la liberté qu'il lui a préservée pour agir contre Satan, et que ce tas de boue ridiculisée par l'esprit, même s'il pécherait comme cet esprit fit, elle a la possibilité de se repentir et d'aller habiter dans ce lieu d'où cet esprit fut chassé. Je dis qu'avec le libre arbitre humain, notre Dieu veut exercer sa miséricorde et ne pas délaisser la créature de son omnipotence. Ainsi, au jour du jugement, personne ne pourra donner d'excuses pour le péché, car le nombre de fois que Dieu a travaillé pour leur conversion et qu'il les a appelés à la repentance leur sera manifeste. Si votre pensée ne se tranquillise pas et que vous êtes encore porté à dire « Pourquoi ainsi ?» Je vais vous faire savoir le pourquoi que voici. Dites-moi pourquoi une pierre ne demeure pas sur l'eau alors que toute la terre demeure sur l'eau ? Dites-moi pourquoi l'eau éteint le feu et la terre fuit l'air, et qu'on ne peut unir la terre à l'air et l'eau au feu en harmonie, tandis qu'en l'homme ils sont unis et préservés en harmonie. Si alors vous ne savez pas cela, aucun homme ne peut savoir cela en tant qu'homme. Comment comprendrait-il que Dieu a créé l'univers d'un seul mot à partir de rien? Comment comprendrait-il l'infinité de Dieu? Assurément ils ne peuvent comprendre cela d'aucun moyen. L'homme étant limité et composé d'un corps corruptible qui alourdit l'âme, comme dit le prophète Shlomo, et les travaux de Dieu étant proportionnels à Dieu. Comment serait-il capable de les comprendre? Ésaïe le prophète de Dieu le vit et s'exclama. Sûrement tu es un Dieu caché. Il dit de comment Dieu créa l'envoyé de Dieu. Sa génération le racontera. Il dit de la performance de Dieu. Qui a été son conseiller? Dieu dit de la nature humaine. Les cieux au-dessus de la terre sont plus élevés, comme mes voix au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Le mode de la prédestination n'est pas manifeste aux hommes, et je vous dis que c'est véritablement ainsi qu'elle se fait. L'homme peut-il nier le fait, parce qu'il ne peut en trouver le moyen? Assurément je n'ai encore jamais vu personne refuser la santé bien que le moyen ne soit pas compris, car jusqu'à présent je ne sais pas comment Dieu guérit les malades à mon toucher. Dieu parle vraiment en toi. Un homme n'a jamais parlé comme tu parles, dirent les disciples. Croyez-moi, dit Jésus, quand Dieu me choisit pour m'envoyer vers la maison d'Israël, il me donna un livre d'un clair miroir qui descendit dans mon cœur. Tout ce que je dis sort de ce livre, et quand ce livre aura fini de sortir de ma bouche, je serai retiré du monde. Maître, dit Céphas, ce que tu dis à présent est-il écrit dans ce livre? Tout ce que je dis est pour la connaissance de Dieu et le service de Dieu, pour la connaissance de l'homme et le salut de l'homme. Tout vient de ce livre qui est mon Sefer. La gloire du paradis est-elle écrite? Dit Céphas. Écoutez ce que je vais vous dire. Comment est le paradis et comment les saints et croyants habiteront là sans fin? Car c'est une des plus grandes bénédictions du paradis, puisque toutes choses ayant une fin deviennent petites et même rien, quoique grandes. Le paradis est la maison où Dieu entrepose ses délices. Ils sont si grands que le sol, que les saints et bénis foulant aux pieds, et si précieux qu'une drachme est plus précieuse que mille mondes. Ces délices ont été vus par David le prophète de Dieu. Dieu lui montra et lui fit voir les gloires du paradis. Et quand il revint à lui-même, il ferma ses yeux de ses deux mains et s'écria. Que mes yeux ne regardent pas ce monde où il n'y a aucun bien, car tout est vain. De ces délices, le prophète Ésaïe dit. Ce que les yeux de l'homme n'ont pas vu, que ses oreilles n'ont pas entendu, que le cœur humain n'a pas conçu, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Savez-vous pourquoi ils n'ont pas vu, ni entendu, ni conçu de telles délices? Car tant qu'ils vivent ici-bas, ils ne sont pas dignes d'apercevoir de telles choses. Même si David les a vraiment vus, je vous dis qu'il ne les a pas vus avec les yeux humains, mais Dieu a pris son âme en lui, ainsi uni avec Dieu il les a vus avec la lumière divine. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, comme l'homme est limité et les délices du paradis illimités, l'homme ne peut les contenir comme un petit pot de terre ne peut contenir la mer. Voyez l'été comment le monde est si beau quand toute chose porte fruit, et qu'en raison de la moisson qui vient, ivre de joie, le paysan seul fait résonner mont et vallée de son champ, car il aime ses travaux suprêmement. Ainsi aussi, élevez votre cœur vers le paradis où toutes choses sont fécondes et les fruits proportionnés à celui qui les a cultivés. Comme Dieu vit, il vous suffit de savoir que Dieu a créé le paradis comme la maison de ses propres délices. Pensez-vous que l'incommensurable bonté n'a pas d'incommensurable bonté, ou l'incommensurable beauté n'a pas d'incommensurable beauté? Attention si vous pensez qu'il ne les a pas, car vous auriez vraiment tort. Dieu dit à l'homme qui le servira loyalement. Je connais les travaux que tu fais pour moi, comme je vis éternellement, ton amour ne dépassera pas ma bonté. Parce que tu me sers comme ton Créateur Dieu, sachant toi-même être mon travail et ne demandant de moi que la grâce et la miséricorde de me servir fidèlement, parce que tu ne mets pas de fin à mon service vu que tu désires me servir éternellement. Je ferai pareillement, je te récompenserai comme si tu étais mon égal en tant que Dieu, je ne vais pas seulement placer dans tes mains l'abondance du paradis, je me donnerai à toi comme un présent, car autant tu souhaites être à toujours mon servant, autant je paierai à toujours tes salaires. Que pensez-vous du paradis? Y a-t-il une conscience qui peut comprendre de telles délices et de telles richesses? L'homme doit avoir une connaissance aussi grande que Dieu pour savoir ce que Dieu donnera à ses servants. Avez-vous vu quand Hérode fait un présent à un de ses barons favoris? Quel présent est-ce? Je l'ai vu deux fois, dit Jean. Un dixième seulement de ce qu'il donne suffirait à un pauvre. Et si un pauvre se présenterait devant Hérode, que lui donnerait-il? Demanda Jésus. Une ou deux mites, répondit Jean. Ce que Dieu veut donner à l'âme et au corps au paradis est comme si Hérode donnerait tout ce qu'il a, sa propre vie même, à l'un de ses servants. Dieu dit à celui qu'il aime et qui le sert fidèlement. Mon servant, va et considère les sables de la mer combien ils sont. Si la mer te donnait un seul grain de sable, cela te semblerait-il peu? Oui, sûrement. Comme je vis, moi ton Créateur, tout ce que j'ai donné dans ce monde à tous les princes et rois de la terre est moins qu'un grain de sable que la mer te donnerait en comparaison à ce que je te donnerais dans mon paradis. Considérez maintenant l'abondance du paradis. Si Dieu a donné à l'homme un gramme de bien-être dans ce monde, il lui en donnera 10 × 100 000 au paradis. Considérez ce qu'il y a dans ce monde, la quantité de fruits, la quantité de nourriture, la quantité de fleurs, la quantité des choses pour le bien-être de l'homme. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, comme la mer a encore autant de sable dessus et dessous après que quelqu'un en a reçu un grain, ainsi aussi la qualité et la quantité des figues surpasseront les espèces de figues que nous mangeons ici, de même manière pour chaque chose au paradis. De plus je vous dis en vérité, comme une montagne d'or et de perles est plus précieuse que l'ombre d'une fourmi, ainsi aussi les délices du paradis sont plus précieux que tous les délices des princes dans le monde, de ceux qu'ils ont tueront jusqu'au jugement de Dieu même, quand le monde aura une fin. Notre corps que nous avons présentement ira-t-il au paradis? Dit Céphas. Prends garde Céphas de ne pas devenir comme les Sadducéens, qui disent que la chair ne ressuscite pas et qu'il n'y a pas d'ange, dit Jésus. Car ils privent leur âme et leur corps d'entrer au paradis et du service des anges dans ce monde. As-tu oublié Job, l'ami prophète de Dieu, qui dit « Je sais que mon Dieu vit et qu'au dernier jour je ressusciterai dans mon corps et je verrai de mes yeux mon Sauveur Dieu. » Crois-moi, ce corps qu'est le nôtre sera si pur qu'il ne possédera plus un seul caractère qu'il a présentement. Il sera purgé de tout mauvais penchant lorsque Dieu le remettra dans le même état qu'était Adam avant qu'il pêche. De deux hommes qui servent un maître pour un seul et même travail, l'un qui donne des ordres au second et voit au travail, le second qui exécute tout ce que le premier ordonne, serait-il juste que le maître ne rémunère que celui qui donne des ordres et regarde et qu'il renvoie de sa maison celui qui s'est exténué au travail? Je dis sûrement pas. Comment la justice de Dieu supporterait cela? L'âme humaine, le corps et l'essence servent Dieu. Seule l'âme ordonne et voit au service, car l'âme ne mange pas de pain, ni ne jeûne, ni ne marche, ne sent ni le froid ni la chaleur, ne tombe pas malade, ni n'est tuée, car l'âme est immortelle. Je dis qu'elle ne souffre aucune des douleurs physiques que le corps souffre sous circonstances des éléments. Serait-il juste que l'âme seule aille au paradis et non le corps qui s'étant épuisé à servir Dieu? Maître, dit Céphas, le corps qui a fait pécher l'âme ne doit pas être placé au paradis. Comment le corps pécherait-il sans l'âme? Sûrement impossible, et si la miséricorde de Dieu se retire du corps, l'âme serait condamnée au Shéol. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, notre Dieu promet son indulgence aux pécheurs ainsi. Dans l'heure où le pécheur pleurera son péché, par moi-même je ne rappellerai plus jamais ses torts. Et qui mangera les viandes au paradis si le corps n'y va pas? L'âme? Sûrement pas, vu que c'est un esprit. Ainsi les bénis mangeront au paradis? Dit Céphas. Mais comment la viande serait-elle vidée d'impureté? Quelle bénédiction aurait le corps s'il ne mange pas, ni ne boit? Il convient sûrement de donner une gloire proportionnée à la chose glorifiée. Céphas, tu te trompes à penser que telle viande sera vidée d'impureté. Au temps présent, ce corps corruptible mange des viandes, de là que vient la putréfaction. Au paradis, le corps sera incorruptible, impassible, immortel, dégagé de toute misère, et la viande qui sera sans défaut ne générera aucune putréfaction. Dieu se moque des réprouvés en disant par le prophète Ésaïe : Mes servants s'assoiront dans ma maison à ma table, et fêteront joyeusement avec bonheur au son des cordes et des instruments à vent, et je ne les laisserai manquer de rien. Mais mes ennemis, vous serez envoyés loin de moi et mourrez dans la misère, quand chacun de mes servants vous méprisera. À quoi servirait de dire, fêteront-ils ? Dieu parle clairement. Dans quel but sont les quatre rivières de précieux liquides et de si nombreux fruits au paradis, puisque Dieu ne mange pas, les anges ne mangent pas, l'âme ne mange pas, les sens ne mangent pas, mais seulement la chair qui est notre corps. La gloire du paradis est pour les sens, les viandes pour le corps, la conversation des anges de Dieu et des esprits bénis pour l'âme. Cette gloire sera mieux révélée par l'envoyé de Dieu, qui connaît toutes choses mieux qu'aucune autre créature, puisque Dieu a créé toutes choses par amour pour lui. Maître, dit Barthélemy, la gloire du paradis sera-t-elle égale pour tout homme? Ce ne serait pas juste si elle était égale. Et si elle ne l'était pas, les plus petits environ-ils les plus grands? Elle ne sera pas égale et il n'y a pas d'envie là. Dieu est juste, chacun sera satisfait. Dis-moi Barthélemy, si un maître qui a de nombreux servants habille tous ses servants dans la même tenue, les garçons à l'habit de garçon se plaindront-ils de n'avoir pas celui des adultes? Sûrement le contraire. Si les plus vieux leur mettraient leurs plus larges habits, qui ne sont pas à leur taille, ils se fâcheraient à penser qu'on se moque d'eux. Barthélemy, élève ton cœur vers Dieu au paradis maintenant, et tu verras une seule gloire chez tous, et bien que ce sera plus pour l'un et moins pour l'autre, cela ne produira aucune envie. Maître, dit celui qui écrit, le paradis a-t-il la lumière du soleil comme dans ce monde? Dieu m'a dit ainsi, Barnabé. Le monde où vous demeurez, homme pécheur, a le soleil, la lune et les étoiles qui l'ornent comme j'ai créé pour votre bénéfice et votre bonheur. Pensez-vous que la maison où mes fidèles demeureront ne sera pas mieux? Vous vous trompez sûrement à penser ainsi. Moi votre Dieu, je suis le soleil du paradis et mon envoyé est la lune qui reçoit tout de moi. Les étoiles sont mes prophètes qui vous ont annoncé ma volonté. Par conséquent mes fidèles, puisqu'ils ont reçu ma parole par mes prophètes, ainsi aussi ils recevront délices et bonheur à travers eux dans le paradis de mes délices. Que cela vous suffise pour la connaissance du paradis, dit Jésus. Maître, aie patience envers moi si je te demande une parole, dit Barthélemy. Dis ce que tu désires, dit Jésus. Le paradis est sûrement grand, il doit être immense s'il y a là de grands biens, dit Barthélemy. Le paradis est si immense qu'aucun homme ne peut le mesurer. Je vous dis en vérité, les cieux sont 9, parmi lesquels sont placées les planètes et distants l'un de l'autre de 500 années voyage d'homme. Pareillement la terre est distante du premier ciel de 500 années voyage. Mais arrête-toi à la mesure du premier ciel qui est beaucoup plus grand que toute la terre, aussi grand que toute la terre face à un grain de sable. Le deuxième ciel aussi est plus grand que le premier, le troisième du deuxième, et ainsi de suite jusqu'au dernier ciel, chacun étant plus grand que l'autre. Je vous dis en vérité, le paradis est plus grand que la terre et les cieux ensemble, aussi grand que toute la terre face à un grain de sable. Maître, le paradis doit être plus grand que Dieu si Dieu se voit là, dit Céphas. Maîtrise-toi Céphas, car tu blasphèmes sans savoir. L'ange Gabriel vint à Jésus et lui montra un miroir brillant, comme le soleil avec ces mots écrits. comme je vis éternellement, comme le paradis est plus grand que tous les cieux et la terre, aussi grand que toute la terre face à un grain de sable, ainsi aussi, je suis plus grand que le paradis face à autant de grains de sable de mer, à autant de gouttes de l'eau, à autant d'herbes au sol, à autant de feuilles aux arbres, à autant de poils sur les bêtes, et autant plus de grains de sable pour remplir les cieux et le paradis et plus. Faisons révérence à notre Dieu qui est pour toujours béni. Ils inclinèrent leur tête, prosternés en prière, le visage contre terre. La prière faite, Jésus appela ses faces et lui dit ce qu'il avait vu ainsi qu'à tous les disciples, et il dit à ses faces. Ton âme qui est plus grande que toute la terre, qui voit le soleil d'un œil mille fois plus grand que la terre entière. Ainsi ses faces, tu verras vraiment notre Créateur Dieu par le paradis. Ayant dit cela, Jésus remercia notre Seigneur Dieu et pria pour la maison d'Israël et la ville sainte. Amen Seigneur, répondit chacun. Un jour que Jésus était sous le porche de Shlomo, un des scribes qui font des discours au peuple vint près de lui et dit. Maître, j'ai plusieurs fois fait des discours à ce peuple et il y a un verset de l'Écriture dans mon esprit que je n'arrive pas à comprendre. Quel est-ce ? Dit Jésus. Quand Dieu dit à notre père Abraham, « Je serai ta grande récompense. » Comment l'homme peut-il le mériter ? Jésus se réjouit en esprit et dit, « Assurément, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Écoute-moi et je vais te dire la signification d'un tel enseignement. L'homme ne mérite pas Dieu. Dieu étant illimité et l'homme limité. Est-ce là ton doute, frère? Tu connais mon cœur, Seigneur. Parle car mon âme désire entendre ta voix, dit le scribe. Comme Dieu vit, l'homme ne mérite pas le moindre souffle qu'il reçoit à tout instant, dit Jésus. Entendant cela, le scribe fut hors de lui. Les disciples s'étonnèrent également puisqu'ils se rappelaient que Jésus avait dit que tout ce qu'il donnait par amour pour Dieu, il recevrait 100 fois. Si un homme vous prête 100 pièces d'or, après avoir dépensé ces pièces pourrez-vous lui dire « Je te donne une feuille de vigne pourrie, donne-moi ta maison parce que je la mérite. » « Non Seigneur, dit le scribe. Il doit payer d'abord ce qu'il doit. Et s'il désire autre chose, il devrait donner de bonnes choses. Car à quoi bon une feuille pourrie? Tu as bien parlé, frère. Dis-moi qui a créé Adam de rien? Sûrement Dieu, qui lui a aussi donné bénéfice sur le monde entier, mais l'homme a tout dépensé en péchant. Le monde entier s'est tourné contre l'homme en raison du péché, et l'homme dans sa misère n'a rien à donner à Dieu que des travaux pourris de péché. Il pourrit ses travaux personnels quand il pèche chaque jour, comme le prophète Ésaïe dit. Notre justice est comme un linge menstruel. Comment l'homme aurait-il du mérite s'il est incapable de donner satisfaction? Est-ce que l'homme peut-être ne pèche pas? Sûrement oui, comme notre Dieu dit par son prophète David. 7 fois par jour le juste tombe. Combien de fois tombe l'injuste? Et si nos justices sont pourries, combien abominables sont nos injustices? Frère, comme Dieu vit, le pire qu'un homme doit éviter de dire est « je mérite ». Mais qu'il reconnaisse les travaux de ses mains, car il verra directement son mérite. Chaque bonne chose qui sort d'un homme, l'homme ne le fait pas vraiment mais Dieu le fait en lui, car son être est de Dieu qu'il a créé. L'homme ne fait que contredire son Créateur Dieu et pécher, pour cela il ne mérite pas de récompense mais le tourment. Non seulement Dieu créa l'homme comme j'ai dit, mais il le créa parfait et lui donna le monde entier. Après son départ du paradis, Il lui donna deux anges pour le garder. Il lui donna les prophètes. Il lui donna la loi. Il lui donna la foi, qui délivre de Satan à tout moment. Il est prêt à lui donner le paradis, et plus encore, Dieu veut se donner à l'homme. Considérez combien la dette est grande, que pour l'annuler, il vous faudra avoir créé l'homme de vous-même de rien, avoir créé autant de prophètes que Dieu a envoyés, avec un monde et un paradis, avec un Dieu grand et bon comme l'est notre Dieu, et de tout donner à Dieu. Ainsi la dette serait annulée et il vous resterait seulement l'obligation de remercier Dieu. Mais vu que vous êtes incapable de créer une seule mouche, et vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Seigneur de toutes choses, comment serez-vous capable d'annuler votre dette? Car aussi vrai qu'un homme vous prête 100 pièces d'or, vous êtes dans l'obligation de lui rendre 100 pièces d'or. Par conséquent, frères, cela signifie que Dieu, étant le Seigneur de toutes choses du paradis, peut dire ce qui lui plaît et donner ce qui lui plaît. Quand il dit à Abraham, « Je serai ta grande récompense », Abraham ne pouvait pas répondre, « Dieu est ma récompense, mais Dieu est mon don et ma dette. » Ainsi frère, quand tu expliqueras au peuple sur ce que Dieu donnera à l'homme si l'homme travaille bien, dis ainsi. Quand Dieu te dira, « Mon servant, tu as bien travaillé par amour pour moi, quelle récompense cherches-tu de moi ton Dieu ?» Réponds. « Seigneur, comme je suis le travail de tes mains, pour ta propre gloire, il ne convient pas d'avoir en moi le péché que Satan aime. Seigneur, aie pitié des travaux de tes mains, et si Dieu dit, je t'ai pardonné. Maintenant je voudrais te récompenser. Réponds. Seigneur, je mérite le châtiment pour ce que j'ai fait, et tu mérites d'être glorifié pour ce que tu as fait. Seigneur, punis en moi ce que j'ai fait et sauve ce que tu as formé. Et si Dieu dit, quel châtiment te conviendra pour ton péché? Réponds. Seigneur, autant que tous les réprouvés souffriront. Et si Dieu dit, mon fidèle servant, pourquoi cherches-tu un si grand châtiment? Réponds. Si chacun d'entre eux avait reçu de toi autant que j'ai reçu, il t'aurait servi plus fidèlement que je ne l'ai fait. Et si Dieu dit, quand veux-tu recevoir ce châtiment et pendant combien de temps? Réponds. Dès maintenant et sans fin. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, un tel homme sera plus agréable à Dieu que tous ses saints anges, car Dieu aime la vraie humilité et déteste l'orgueil. Le scribe remercia Jésus et dit, « Seigneur, allons dans la maison de ton servant pour que ton servant te donne un repas, à toi et tes disciples. J'irai dès que tu seras d'accord de ne pas m'appeler Seigneur mes frères, et tu ne diras pas que tu es mon servant mais mon frère. » L'homme s'accorda et Jésus alla dans sa maison. « Maître, dit le scribe à la table du repas, tu dis que Dieu aime la vraie humilité. Dis-nous ce qu'est l'humilité, comment peut-elle être vraie ou fausse? Je vous dis en vérité, qu'il ne deviendra comme un petit enfant n'entrera pas dans le royaume du ciel. » Tous furent émerveillés d'entendre cela, et ils se dirent l'un l'autre. Comment celui qui a 30 ou 40 ans deviendrait-il un jeune enfant? C'est une parole difficile. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, mes paroles sont vraies. Je vous le dis, c'est par la vraie humilité que vous deviendrez un jeune enfant. Si vous demandez à un jeune enfant, « Qui a fait tes vêtements ?» Il répondra, « Mon père. » si vous demandez « À qui est la maison que tu habites ?» Il répondra « À mon père. » Si vous dites « Qui te donne à manger ?» Il répondra « Mon père. » Si vous dites « Qui t'a appris à marcher et parler ?» Il répondra « Mon père. » Et si vous dites « Qui a cassé ton front pour avoir ton front enveloppé ?» Il répondra « Je suis tombé et j'ai cogné ma tête. » Si vous dites « Mais pourquoi es-tu tombé ?» Il répondra « Ne voyez-vous pas que je suis petit, que je n'ai pas la force de marcher et de courir comme un grand ?» Aussi mon père est obligé de me prendre la main pour que je marche avec fermeté. Mon père m'a laissé l'espace un petit instant pour que j'apprenne à bien marcher, et voulant courir je suis tombé. Si vous dites « Et qu'a dit ton père ?» Il répondra « Mais pourquoi n'as-tu pas marché lentement ? Vois à l'avenir ne pas quitter mon côté. » Est-ce vrai, dites-moi? Tout à fait vrai, dirent les disciples et le scribe. Celui qui reconnaît Dieu comme l'auteur de tout bien, et lui-même auteur du péché, sera vraiment humble et véritable de cœur. La vraie humilité est un rabaissement de l'âme où l'homme se reconnaît vraiment lui-même. Et celui qui parle comme l'enfant parle, mais contredit l'action, à fausse humilité et sûrement vrai orgueil. L'orgueil est au plus haut en utilisant des choses humbles, n'étant pas blâmé ni rejeté par les hommes. La fausse humilité est une brume du Séol qui obscurcit la compréhension de l'âme. Ce qu'un homme doit attribuer à Dieu, il l'attribue à lui-même, et ce qu'il doit attribuer à lui-même, il l'attribue à Dieu. L'homme de fausse humilité dira qu'il est un grand pécheur, mais si on lui reproche son péché, il se mettra en colère et le persécutera, que Dieu lui a donné tout ce qu'il a, mais qu'il n'a pas chômé et a fait de son côté de bons travaux. Dites-moi frère, comment marchent ces pharisiens d'aujourd'hui? Rabbi, dit le scribe en larmes, les pharisiens d'aujourd'hui ont l'habit et le nom de pharisiens, mais ils sont cananéens par leur cœur et par leurs actions. Dieu veuille qu'ils n'usurpent plus ce nom et que les gens ordinaires ne soient plus trompés par eux. Au temps ancien, quelle cruauté as-tu eu envers nous de nous avoir pris les vrais pharisiens et laissé les faux? Frère, ce n'est pas le temps qui a fait cela mais bien par la méchanceté du monde. En tout temps il est vraiment possible de servir Dieu, mais en s'associant avec le monde, c'est-à-dire avec les mauvais comportements de chaque temps, les hommes deviennent mauvais. Ne savez-vous pas que Géasi, le servant du prophète Élisa, prit l'argent et les vêtements du Syrien Naaman en mentant, et faisant honte à son maître, bien qu'Élisa avait un grand nombre de pharisiens par qui Dieu prophétisait. En vérité je vous dis, les hommes sont enclins à faire mal, et encore plus le monde. Satan les excite et les entraîne au mal, et maintenant les pharisiens d'aujourd'hui évitent tous les bons travaux et tous les exemples de sainteté. Que l'exemple de Géasi leur suffise en tant que réprouvés de Dieu. C'est très vrai, dit le scribe. Voudrais-tu me raconter l'exemple d'Aguée et Oséa, tous deux prophètes de Dieu, pour que nous ayons un aperçu de vrais pharisiens? Que dirais-je maître, répondit le scribe, sûrement que beaucoup ne croiront pas, même si le prophète Daniel l'a écrit, mais je raconterai la vérité par obéissance envers toi. Aguée avait 15 ans quand il vendit son patrimoine pour le donner aux pauvres, puis il quitta Anato et se mit au service du prophète Obadia. Le vieil Obadia, connaissant l'humilité d'Aguée, l'utilisait comme un livre par lequel enseigner ses disciples. Et il lui présentait souvent des vêtements et des aliments fins. Mais Aguée renvoyait toujours le messager en disant Retourne à la maison, car tu as fait une erreur. Obadiah m'enverrait-il une telle chose? Sûrement pas, car il sait que je suis bon à rien et que je ne fais que pécher. Quand Obadiah avait quelque chose de mauvais, il avait l'habitude de le donner à un proche d'Aguet, qui irait le voir pour qu'en voyant cela, Aguet dise encore. Voici, Obadiah t'a sûrement oublié, car cette chose ne convient qu'à moi, qui suis le pire de tous. Il n'y a rien de plus vilain que ça, mais venant des mains d'Obadiah par qui Dieu me l'accorde, c'est comme un trésor. Quand Obadiah voulait enseigner à quiconque comment prier, il appelait Aguet pour lui dire. Dis ici ta prière à haute voix, que tous puissent entendre tes paroles. Et Aguet disait. Seigneur Dieu d'Israël, regarde avec miséricorde ton servant qui en appelle à toi parce que tu l'as créé. Juste Seigneur Dieu, rappelle à ta justice de punir les péchés de ton servant, que ton travail ne se corrompt pas. Mon Seigneur Dieu, je ne peux te demander les délices que tu accordes à tes fidèles servants, parce que je ne fais rien que pécher. Aussi Seigneur, quand tu voudras donner une infirmité à l'un de tes servants, souviens-toi de moi ton servant, pour ta propre gloire. Dieu les met en camp à guet, faisait ainsi qu'au même moment Dieu donnait prophétie à celui qui se tenait près de lui. Et Dieu ne retenait rien de ce qu'Aguet demandait en prière, dit le scribe. En parlant, le bienveillant scribe pleura comme un marin pleure à la vue de son bateau détruit. Oséa, dit-il, un prince de la tribu de Naphtali, parti servir Dieu à 14 ans. Il vendit son patrimoine et donna aux pauvres, puis il partit pour devenir un disciple d'Aguet. Oséa était si brûlant de charité qu'à tout ce qui lui était demandé, il répondait. Dieu m'a donné cela pour toi frère, accepte-le. Bientôt il ne lui resta plus que 2 vêtements, une tunique de toile et un revêtement de peau. J'ai dit qu'il avait vendu son patrimoine et donné aux pauvres, autrement pas un n'aurait accepté être appelé pharisien. Oséa avait le livre de Mosché et le lisait avec grande honnêteté. Un jour Aguet lui dit. Oséa, qui t'a pris tout ce que tu avais? Le livre de Mosché, répondit-il. Il arriva que dans le voisinage du prophète, un disciple souhaita aller à Jérusalem, n'ayant pas de manteau. Il alla trouver Oséa après avoir entendu sur sa charité et lui dit « Frère, j'irai accomplir un sacrifice à notre Dieu à Jérusalem, si j'avais un manteau. Je ne sais pas quoi faire. Pardonne-moi frère, dit Oséa en entendant cela. J'ai commis un grand péché envers toi parce que Dieu m'a donné un manteau pour que je te le donne mais j'ai oublié. Accepte-le maintenant et prie Dieu pour moi. L'homme crut cela et accepta le manteau d'Oséa avant de partir. Quand Oséa vint au logis d'Aguet, Aguet lui dit. Qui a pris ton manteau? Le livre de Mosché, répondit Oséa. Aguet était très ravi d'entendre cela parce qu'il percevait la charité d'Oséa. Il arriva qu'un pauvre, dépouillé par des voleurs, fut laissé nu. En le voyant, Oséa enleva sa seule tunique pour la donner à celui qui était nu, lui-même laissé avec une petite pièce de peau de chèvre sur les parties. Comme il ne vint pas voir Aguet, l'attentionné Aguet pensa qu'Oséa était malade et alla le trouver avec 2 disciples. Ils le trouvèrent enveloppé dans des feuilles de palmier et Aguet lui dit. Mais pourquoi tu n'es pas venu me visiter, dis-moi? Le livre de Mosché a pris ma tunique, j'ai craint de venir sans tunique, répondit Oséa. Et Aguet lui donna une autre tunique. Il arriva un jeune homme se mit à pleurer en voyant Oséa lire le livre de Mosché et lui dit. J'apprendrais à lire si j'avais un livre aussi. » Entendant cela, Oséa lui donna le livre et dit : « Ce livre est à toi, frère. Dieu me l'a donné pour que je le donne à celui qui désire un livre en pleurant. » L'homme le crut et accepta le livre. Il y avait près d'Oséa un disciple d'Aguet, qui souhaitait voir si son livre était bien écrit et alla visiter Oséa. « Prends ton livre, frère, voyons s'il est comme le mien, » lui dit-il. « On me l'a pris, » répondit Oséa. « Mais qui te l'a pris ?» dit le disciple. « Le livre de Mosché, » répondit Oséa. Entendant cela, l'autre partit chez Aguet et lui dit : « Oséa est devenu fou. Il dit que le livre de Mosché lui a pris le livre de Mosché. Frère, Dieu veuille que je sois aussi fou et que tous les fous soient comme Oséa, » dit Aguet. Des voleurs de Syrie, ayant passé le pays de Juda, saisirent le fils d'une pauvre veuve qui vivait durement près du mont Carmel où les prophètes et pharisiens habitaient. Sorti coupé du bois, il arriva qu'Oséa rencontra la femme qui pleurait et se mit à pleurer aussi. Il pleurait dès qu'il voyait pleurer, il riait dès qu'il voyait rire. Oséa demanda à la femme la raison de ses larmes et elle raconta tout. Oséa lui dit : « Viens sœur, Dieu veut te donner ton fils. » Ils allèrent tous deux à Hébron. Oséa se vendit lui-même et donna l'argent à la veuve, qui ignorait comment il avait eu cet argent, et l'accepta pour acheter son fils. Celui qui avait acheté Oséa ne le connaissait pas et l'amena à Jérusalem, où il avait une habitation. L'attentionné Aguet pleurait sur Oséa comme une mère pleure l'absence de son fils, accablé de voir qu'Oséa était introuvable. Et l'ange de Dieu lui dit comment il avait été pris comme esclave à Jérusalem. Appelant deux disciples, il partit à Jérusalem et à l'entrée de la ville, par la volonté de Dieu, il aperçut Oséa chargé du pain qu'il apportait aux ouvriers de la vigne de son maître. Aguet le reconnut et dit : « Comment se fait-il que tu aies abandonné ton vieux père, qui te cherche dans le deuil, fils ? » ?»« J'ai été vendu, père, » dit Oséa. « Qui est le mauvais compagnon qui t'a vendu ?» dit Aguet avec colère. « Dieu te pardonne, mon père. Celui qui m'a vendu est si bon que s'il n'était pas dans le monde, personne ne deviendrait saint, » répondit Oséa. « Qui est-ce alors ?» dit Aguet. « Le livre de Mosché, mon père, » répondit Oséa. « Dieu veuille que le livre de Mosché me vende moi aussi avec tous mes enfants comme il t'a vendu mon fils, » dit l'attentionné Aguet avec émerveillement. Aguet alla avec Oséa dans la maison de son maître. En voyant Aguet, celui-ci s'exclama : « Béni est notre Dieu d'avoir envoyé son prophète dans ma maison. » Et il courut lui embrasser la main. Aguet dit : « Embrasse la main de ton esclave que tu as acheté, frère, car il vaut mieux que moi. » Il lui dit tout ce qui s'était passé et le maître rendit à Oséa sa liberté. Est-ce tout comme tu veux, maître ? Dit le scribe. C'est vrai comme Dieu me l'a assuré, dit Jésus. Et pour que tout le monde sache que c'est la vérité. Dans le nom de Dieu, que le soleil s'immobilise pendant 12 heures sans bouger. Il survint une grande terreur dans tout Jérusalem et Juda. Et Jésus dit au scribe : Frère, que cherches-tu à prendre de moi vu que tu as un tel savoir ? Parce que l'humilité d'Aguet avec la charité d'Oséa accomplissent toute la loi et les prophètes, comme Dieu vit, c'est suffisant pour le salut de l'homme. Dis-moi frère, quand tu es venu m'interroger dans le temple, Pensais-tu peut-être que Dieu m'envoyait détruire la loi et les prophètes? Dieu ne veut sûrement pas ça, car notre Dieu inchangeable a ordonné cela comme une voie au salut de l'homme, comme il l'a fait dire par tous les prophètes. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, si le livre de Moshe et le livre de David n'avaient pas été contaminés par les rituels humains des faux docteurs et pharisiens, Dieu n'aurait pas donné sa parole par moi. Et que dis-je du livre de Moshe et du livre de David? Ils ont contaminé toutes les prophéties qu'aujourd'hui une chose n'est plus recherchée parce que Dieu l'a commandée, mais ils observent ce que les docteurs disent et ce que les pharisiens font, comme si Dieu se trompait et non les hommes. Malheur à cette génération, 100 fois sur qui retombera le sang de chaque prophète et du juste, avec le sang de Zécharia fils de Berakia, qu'ils ont tué entre l'autel et le temple. Quels prophètes n'ont-ils pas persécutés? Quel homme juste ont-ils laissé mourir d'une mort naturelle? À peine. Et à présent il cherche à me tuer en se vantant d'être enfant d'Abraham et de posséder le beau temple. Comme Dieu vit, ce sont des enfants de Satan qui font pour cette raison sa volonté. Le temple et la ville sainte seront en ruine jusqu'à ce qu'il ne reste pas du temple une pierre sur l'autre. Dis-moi, frère, docteur de la loi, à qui s'est faite la promesse du Messie, à Abraham, Isaac ou Ishmaël? Maître, j'ai peur de le dire en raison de peine de mort, répondit le scribe. Frère, je suis attristé d'être venu dans ta maison manger le pain, car tu aimes plus cette vie que notre Créateur Dieu. Tu crains de perdre ta vie présente, sans craindre de perdre foi en la vie éternelle, car elle se perd quand la langue dit le contraire de ce que le cœur sait de la loi de Dieu. Maître, dit le scribe en larmes, j'aurais pu enseigner beaucoup de choses que je garde en silence de peur qu'une sédition s'élève chez le peuple. Tu ne devrais pas honorer les gens, ni le monde entier, ni tous les saints, ni tous les anges, si cela offense Dieu. Que tout périsse plutôt que d'offenser ton Créateur Dieu. Ne garde pas le péché, car le péché détruit, il ne se garde pas. Dieu est assez puissant pour créer autant de monde qu'il y a de sable dans la mer et plus. J'ai péché. Pardonne-moi, maître, dit le scribe. Dieu veuille te pardonner, car tu as péché contre lui. Dans ce livre, on ne trouve pas que Dieu mange de la chair de bœuf ou de mouton, ni que Dieu a réservé sa miséricorde qu'à Israël, mais la miséricorde pour chaque homme qui cherche son Créateur Dieu avec vérité. Vois à ne pas cacher la vérité. Dieu donnera le salut aux hommes par la foi au Messie. Sans elle personne ne sera sauvé. Jésus termina son instruction. Tandis qu'ils étaient à table, Marie qui avait pleuré aux pieds de Jésus entra dans la maison de Nicodème, c'était le nom du scribe, et se plaça aux pieds de Jésus en disant dans les larmes. Seigneur, ta servante qui par toi a trouvé miséricorde envers Dieu, a une sœur et un frère couchés par la maladie et en danger de mort. Dis-moi où est ta maison? Répondit Jésus. Je viendrai et prierai Dieu pour sa santé. Ma maison est Magdala. Mon frère est à Béthanie, qui appartient à mon frère et ma sœur. Va de suite dans la maison de ton frère et attends-moi là. Je viendrai le guérir, n'aie crainte, il ne mourra pas. La femme partit, et arrivée à Béthanie elle trouva son frère mort le même jour, il l'avait couché dans le sépulcre de leur père. Jésus resta 2 jours dans la maison de Nicodème et partit à Béthanie le 3e jour. Quand il arriva près de la ville, il envoya 2 de ses disciples annoncer sa venue à Marie. Elle courut jusqu'en dehors de la ville pour trouver Jésus et lui dit en pleurant : Seigneur, Tu as dit que mon frère ne mourrait pas, et voilà maintenant 4 jours qu'il est mort. Plus à Dieu que tu sois venu avant que je t'appelle et il ne serait pas mort. Ton frère n'est pas mort mais il dort, et je viens le réveiller. Seigneur, dit Marie en larmes, il se réveillera de ce sommeil quand l'ange de Dieu sonnera la trompette au jour du jugement. Crois en moi, Marie, il ressuscitera avant, Dieu m'a donné pouvoir sur son sommeil. En vérité je te dis, il n'est pas mort. Seul celui qui meurt sans trouver miséricorde devant Dieu est mort. Marie retourna vite annoncer à sa sœur Marthe l'arrivée de Jésus. Un grand nombre de Juifs de Jérusalem, beaucoup de scribes et de pharisiens s'étaient rassemblés à la mort de Lazare. Ayant appris l'arrivée de Jésus par sa sœur Marie, Marthe se leva vite courir dehors et la foule des Juifs, des scribes et des pharisiens la suivit pour la réconforter, supposant qu'elle se rendait au sépulcre pleurer son frère. Arrivée à l'endroit où Jésus avait parlé à Marie, Marthe dit en pleurant « Seigneur, Dieu veuille que tu aies été là, mon frère ne serait pas mort maintenant. » Marie aussi vint en pleurant. Jésus pleura aussi, et il dit avec soupir « Où l'avez-vous couché ?»« Viens voir, » dirent-elles. Les pharisiens se dirent entre eux. Pourquoi cet homme qui a ressuscité le fils de la veuve du nain a-t-il laissé cet homme mourir après avoir dit qu'il ne mourrait pas? Venu au sépulcre, lorsque tout le monde pleurait, Jésus dit « Ne pleurez pas. Et Lazare dort et je suis venu le réveiller. Dieu veuille que tu dormes aussi », se dirent les pharisiens entre eux. Mon heure n'est pas encore venue, et quand elle viendra, je dormirai de sorte que je serai vite réveillé. » Et Jésus dit, « Retirez la pierre du sépulcre. » Seigneur, il sent mauvais, dit Marthe, il est mort depuis 4 jours. Pourquoi suis-je venu ici, Marthe? Crois-tu en moi que je vais le réveiller? Je sais que tu es le saint que Dieu a envoyé dans ce monde, répondit Marthe. Jésus éleva ses mains au ciel et dit « Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu de nos pères, donne gloire à ton saint nom et miséricorde du chagrin de ces femmes. » Chacun répondit « Amen. » Et Jésus dit d'une voix forte « Sors Lazare. » Le mort se leva et Jésus dit à ses disciples « Détachez-le. » Il était retenu par les linceuls, avec la serviette sur son visage comme nos pères avaient coutume d'ensevelir. Le miracle était grand et une grande foule de Juifs et plusieurs des pharisiens crurent. Ceux qui restèrent dans leur incrédulité partirent à Jérusalem annoncer au chef Kohanim la résurrection des Lazare, et combien étaient devenus naziréens. C'est ainsi qu'ils appelaient ceux qui se convertissaient après que Jésus leur ait prêché la parole de Dieu. Scribes et pharisiens prirent conseil avec le grand Cohen pour tuer Lazare parce que beaucoup avaient renoncé à leur rituel et croyaient aux paroles de Jésus, parce que le miracle de Lazare était grand. Et Lazare conversa avec les hommes, mangeait et buvait. Il ne savait pas quoi faire car c'était un homme puissant qui avait des possessions dans Jérusalem, Béthanie et Magdala avec sa sœur. Jésus entra dans la maison des Lazare à Béthanie, et Marthe le servait avec Marie. Un jour que Marie était assise aux pieds de Jésus pour écouter ses paroles, Marthe dit à Jésus « Seigneur, ne vois-tu pas que ma sœur ne prend pas soin de toi et ne pourvoit pas la nourriture pour toi et tes disciples ?» Marthe, Marthe, demandes-tu quoi faire pour Marie qui a choisi une part qui ne lui sera pas retirée pour l'éternité? Assis à table avec une grande foule croyant en lui, Jésus dit « Frère, le temps est venu de quitter le monde, je n'ai que peu de temps pour rester avec vous. Je vous remémore les paroles que Dieu a dites par le prophète Ézéchiel. comme je vis éternellement, l'âme qui pêche mourra, mais le pécheur qui se repent vivra, il ne mourra pas. La présente mort n'est pas la mort, mais la fin d'une longue mort. Comme dans un évanouissement, lorsque le corps se sépare des sens, son âme étant encore en lui, il n'a aucun autre avantage sur un mort enterré que celui-ci. L'enterré attend après Dieu pour se relever, tandis que l'inconscient attend que ses sens reviennent. Voyez maintenant comme la vie présente, sans la perception de Dieu, est la mort. Ceux qui croient en moi ne mourront pas éternellement. Ils percevront Dieu en eux et travailleront pour leur salut avec mes paroles. Quelle mort sinon un acte ordonné par Dieu, que la nature exécute, comme quelqu'un tient un oiseau rattaché à une corde à sa main. Quand la tête veut que l'oiseau s'envole, elle commande à la main d'ouvrir et l'oiseau s'envole aussitôt. Comme dit le prophète David, l'âme de l'homme qui demeure sous la protection de Dieu s'échappe comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. La nature retient la corde de notre vie et aime rattacher au corps et au sens humain. Quand la nature ouvre sur l'ordre de la volonté de Dieu, la vie se brise et l'âme s'échappe dans les mains des anges, à qui Dieu a ordonné de recevoir les âmes. Que les amis ne pleurent pas quand leur ami meurt, puisque notre Dieu le veut ainsi, mais qu'ils pleurent sans cesse lorsqu'ils pêchent, car l'âme meurt si elle se désunit de la vie véritable de Dieu. Le corps devient monstrueux s'il se désunit de l'âme. L'âme est encore plus dégoûtante si elle se désunit de Dieu, qui l'embellit et la vivifie par la grâce de sa miséricorde. Et Jésus remercia Dieu. Seigneur, dit Élazare, cette maison revient à mon Créateur Dieu avec tout ce qu'il m'a donné à garder pour le service des pauvres. Comme tu es pauvre et que tu as un grand nombre de disciples, habite ici tant qu'il te plaira et aussi longtemps qu'il te plaira, car le servant de Dieu te servira aussi longtemps que nécessaire pour l'amour de Dieu. Voyez quelle bonne chose de mourir, dit Jésus ravi à l'entendre. Et Lazare est mort qu'une fois, mais il a appris un enseignement inconnu des sages du monde qui ont grandi dans les livres. Dieu veuille que tout homme meure une seule fois et revienne au monde pour que les hommes apprennent à vivre comme Lazare. Maître, me permets-tu de dire un mot? Dit Jean. Disant mille. L'homme est obligé de dispenser ses biens au service de Dieu autant qu'il est obligé de partager ses enseignements. Il est plus obligé lorsque la parole peut élever une âme à se repentir, vu que les biens ne peuvent rendre la vie à un mort. Celui qui peut aider est un meurtrier s'il n'aide pas le pauvre qui meurt de faim. Plus meurtrier encore est celui qui peut convertir un pécheur par la parole de Dieu à se repentir mais ne le convertit pas et se tient comme un chien muet, comme a dit Dieu. Dieu dit contre eux. Servant infidèle, je réclamerai de tes mains l'âme du pécheur, qui a péri parce que tu lui as caché ma parole. Dans quel état aujourd'hui sont les scribes et les pharisiens, qui ont la clé mais n'entrent pas, et empêchent même ceux qui veulent entrer dans la vie éternelle? Jean, tu me demandes la permission de dire un mot après avoir entendu 100 000 fois les miens? En vérité je vous dis, je suis dans l'obligation de vous écouter chacun de vous 10 fois, pour m'avoir écouté. Celui qui n'écoutera pas l'autre, péchera chaque fois qu'il parlera. Nous devons souhaiter aux autres ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, et souhaiter recevoir des autres ce que nous-mêmes souhaitons aussi. Maître, dit Jean, pourquoi Dieu n'accorde-t-il pas aux hommes de mourir et revenir une fois comme il a fait avec Élazare afin d'apprendre à connaître leur Créateur? Un maître de maison donne une hache parfaite à un de ses servants pour couper le bois qui obstruait la vue de sa maison, mais l'ouvrier dédaigna la hache et dit « Je couperais le bois facilement si le maître m'avait donné une vieille hache. » Qu'a dit le maître sûrement en colère? « Dis-moi Jean. » Il prit une vieille hache avec laquelle il frappa sa tête en disant « Ouvrier insensé, je t'ai donné une hache qui coupe le bois, sans forcer mais toi tu recherches cette hache, qui se travaille en forçant, et tout ce qu'elle coupe se gâche et est bon à rien. Je veux que tu coupes le bois de manière que ton travail soit bon. Est-ce vrai, Jean ? Tout à fait vrai, répondit Jean. Dieu dit. Comme je vis éternellement, j'ai donné une bonne hache à tout homme qui voit un mort enterré. Celui qui utilisera bien cette hache enlèvera sans effort le bois du péché de son cœur, et recevra la grâce de ma miséricorde, lui donnant le mérite de la vie éternelle pour ses bons travaux. Mais celui qui oublie être mortel en voyant les autres mourir avec le temps et qui se dit « Je ferais de bons travaux si je pouvais voir l'autre vie. Sur lui ma fureur. Je vais tellement le frapper de mort qu'il ne recevra jamais plus de bien. » Jean, quel grand avantage pour celui qui apprend à se tenir droit à la chute des autres. Maître, je te dis en vérité, dit Élazar, je ne peux concevoir quel châtiment mérite celui qui voit les morts enterrés avec le temps et ne craint pas notre Créateur Dieu. Il offense son Créateur qui lui a donné toute chose de ce monde et qu'il devra tout abandonner. Vous m'appelez maître et vous faites bien parce que Dieu vous enseigne par ma bouche, dit Jésus à ses disciples. Mais comment appellerez-vous Élazar ? En vérité, ici est le maître de tous les maîtres qui enseigne l'enseignement dans ce monde. Je vous ai enseigné comment vous devez bien vivre, et Lazare vous enseignera comment vraiment bien mourir. Comme Dieu vit, il a reçu le don de la prophétie. Écoutez ces paroles de vérité, d'autant plus que bien vivre est vanité si on meurt mal. Maître, merci de donner estime à la vérité, dit Lazare. Dieu te donnera grand mérite. Maître, dit celui qui écrit, comment Élazar dit-il vrai que tu auras du mérite, alors que tu as dit à Nicodème que l'homme ne mérite rien que châtiment? Subiras-tu aussi le châtiment de Dieu? Dieu veuille que je reçoive le châtiment de Dieu dans ce monde pour ne pas l'avoir servi aussi fidèlement que je devais. Je te dis Barnabé, lorsqu'un homme parle de ce que Dieu donnera à son voisin, qu'il dise « Mon voisin mérite ». Mais lorsqu'il parle de ce que Dieu lui donnera lui-même, qu'il dise « Dieu me donnera », et non « Je mérite », car Dieu se plaît à accorder sa miséricorde à ceux qui l'ont servi quand il déclare mériter le Séol pour le péché. Dieu est si riche en miséricorde, qu'une seule larme de celui qui a offensé Dieu suffit à éteindre tout le Séol par la grande miséricorde que Dieu le secourt, bien que les eaux de mille mers, si autant sont trouvées, ne peuvent éteindre une seule étincelle du feu du Séol. Pour confondre Satan et montrer la présence de sa bonté et de sa miséricorde, Dieu se plaît à accorder du mérite à toute bonne action de son fidèle servant, que si son prochain veuille en parler ainsi. Aussi, qu'un homme se garde de dire de lui-même « J'y ai mérité », car il sera condamné. Jésus se tourna vers Élazar et dit « Frère, je dois rester dans le monde qu'un temps court, mais lorsque je serai proche de ta maison, je n'irai pas ailleurs puisque tu feras le service envers moi par amour pour Dieu, non par amour pour moi.